Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue. C'est Francky qu'on entend dans le générique. Je c'est le dis. Non, mais on pourrait croire, on a téléchargé un dog bark. Non, non. C'est... Et il dit Floodcast. Elle. Elle. Oh, ça va. Ça non, va. Non, mais bon, quoi. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné. Adrien Méniel. Il a dit son nom vite. Et nos invités aujourd'hui sont des légendes en fait. Nathalie Ojarigo. Quoi? Nathalie Ojarigo. Parce que je parle vite, tu trouves? Les gens disent que je parle vite. Non, je voulais faire comme des fois, comme des fois, tu te prends les, parle vite. Tu te prends les pieds dans le tapis de ta propre rap, parole. Tu connais Eminem? Je suis un rap god. Je suis le Eminem français. Un peu. Gaël Lambert. Ah non, putain, c'est pas mon nom. Bah non. Non, bonsoir, ça va? Ton nom, c'est Gaël Totora Kekera Pepade. Toto Coutugno. Toto Mezzo di Pasta. Mais c'est ça, Parmigiano Reggiano Caccio e Pepe. Poltrone Soffa de Qualidad. Ma. Et voilà. Le shit. Donc on a, bon, on est avec Natou et Gaël, on peut les applaudir. Oh oui, y a pas d'intro là. Si, je les avais, mais c'était mieux ce qu'on non, a bien fait. Bien sûr, mais Florent ne prend tout pas auprès de la lettre. Oh là là. Tiens, on l'a refait. Hein. Oh là. Bon, on l'a refait. Ne trempe pas la lettre, mais attends, Florent. Mais tu as un AVC. Un AVC. Ah. Venez, on écoute de la musique. Et on met la chanson de l'AVC. Click, docteur Click. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Mon nom est Click. C'est... Putain, s'il y a une rêve, je l'ai pas. Ah bon? Mais c'est qui, c'est quoi? C'est Dr. Click, tu vois? Bah, il me dit, tu te souviens pas? Non, mais tu sais, j'ai pas la rêve. T'as pu oublier parce que c'était une émission de jeux vidéo des années 90. Oh waouh! Wow. Ouais, et en plus, il est totalement dans mon monde. Et donc, du coup, on était dedans, tu vois, il y avait un truc de. Il y avait un truc, on est des gens qui viennent d'internet. Bien sûr, non, mais... moi j'adore la tech et le gaming. Mais t'es un peu le docteur Click d'aujourd'hui au final. Donc c'est peut-être pour ça que c'était moi. Depuis le début. On est très content de vous recevoir tous les deux, chers amis. Comment ça va, Nathalie? Moi je suis ravie, il y a des cookies sur la table. Alors est-ce que c'est Adrien nous régale à chaque fois. C'est vrai qu'il nous régalade. Moi j'ai ramené des croquants noisettes que je connaissais pas, que j'ai récupéré en Bourgogne. C'est délicieux, mais personne n'ose y toucher. Parce qu'ils ont l'air dégueulasses. Alors ils sont vraiment bien. Il faut pas avoir de préjugés. Alors il va falloir un manque d'audace. Allez, venez. Alors silence. Il est en train de l'amener à sa bouche, il croque. Tout le monde adore en plus. Regrette immédiatement. C'est pas bon. C'est un enfer. Les bruits de mastication plus dans le micro, les gens adorent. Du carton. Ah, mais moi j'adore. Vas-y, essaye, Natou, c'est du carton. Ah ouais, vas-y. Ouais. Attendez. Ça sent vraiment en émission culinaire. C'est des croquettes. Attention. Très peu de goût. Je croque la vie à pleine dents. Attends. Les ingrédients, il y a des œufs, il y a du lait. Allez, très peu de goût dans ces petits bouts de carton. Non, mais ça, c'est le petit biscuit accompagné avec un café. Mais complètement, vous croyez quoi? Attends, j'ai le goût qui arrive. J'ai le goût qui arrive. Bon, il est passé en retard le goût. T'as le Covid en fait. Oh, noisette. Bonnement. On dirait qu'ils sont là depuis 150 ans. C'est voilà. Ça. Peut-être. Ils ont pas de goût, ils donnent de la fièvre, ils font tousser, j'ai du mal à respirer. Non, vraiment. Non, mais ça, sur une petite coupelle dans un bar. Non, dans un quoi? Tout petit bar. Quel genre de bar? Avec des olives. Voilà. Le ASMR. J'y ai pensé dans le train. J'étais heureux à cette idée. T'as pensé à la blague qu'on fait depuis 10 ans? Et je me suis dit ça. J'y ai pensé. Ça fait combien d'années qu'on fait ce putain de truc? Bah, est-ce qu'on va se lasser un jour? Depuis Trader Cameraman. Oui, c'est très facile à dater parce que c'était le tournage du truc de Trader Cameraman. Tout à fait. Tout à fait, sur le toit. Sur le sur non, canal. Non, canal non, aussi non, les deux. Non, non, non. Ah ouais, c'était quand il y en a un qui est. Oui, c'est moi, quand t'es gynéco. Oui, ouais. Mais c'était ça finit pas... sur un toit. Ça finit, ça sur, finit un toit sur un toit. Mais le moment où il y a eu cette vanne, c'est dans le cabinet du gynécologue. Tout à fait, bien joué. Faut être précis. On va faire le jeu du podcast, comme mais... à l'accoutumée. Pourquoi s'en priver? Vous pouvez... Je vous pose la question, pourquoi on s'en priverait? Bah, à moins d'être toqué. À moins d'être sadomaso. Non, vraiment complètement. Installé depuis plus de 10 ans. Carré et Vincent rêvent de s'occuper de leurs petits-enfants, de prendre du temps pour eux. Alors en 2021, ils ont décidé de mettre en vente leur affaire. Seulement, aucun acheteur sérieux n'a répondu à l'appel. J'ai rien compris, pardon déjà. Pardon ? Oh, c'était très simple pourtant. Ils revendent leur affaire, quelle affaire ? Ils ont un restaurant. Ok. Un restaurant. Ah, aucun acheteur, ouais. Ça arrivait après. Aucun acheteur de sérieux n'a répondu à l'appel pour vendre leur restaurant. Pour acheter leur restaurant. Qu'ont-ils décidé de faire ? Le brûler pour toucher les sous de l'assurance. Mais non, mais toi tu es toujours dans le crime. Mais moi je suis mettre dans... des punaises de lit dans les oh fauteuils. Oh là là, pile dans l'actu. Non. Ça aurait été bien, ça aurait été. Alors, est-ce qu'ils ont T'excuses pas, t'étais super. Est-ce qu'ils ont transformé leur restaurant en autre chose? Non, ils n'ont pas transformé leur restaurant. Mais ils ont réussi à le revendre. Alors, c'est en cours. Ce n'est pas tout à fait fait. Et c'est-à-dire c'est un peu une sorte d'indice que je te réponds. Ce n'est pas tout à fait fait parce que ça donc prend du temps. Donc ils ont Ils l'ont vendu pour 1 euro symbolique à Bernard Tapie. Ils ont mis, ils ont fait un loto. Oh là là. Non mais il précise, a triché. Précise un petit peu. Un bingo, c'est un gros bingo. Chacun met 150 balles et celui qui. Alors chacun c'est met pas, 50 balles. Ça s'appelle une cagnotte. C'est vrai, c'est non, ça. Non non, c'est pas ça parce que c'est un vrai mais loto. Bien sûr, c'est brillant. Quelqu'un l'a déjà fait avec sa maison. Avec sa maison. Ah ouais, oui. C'est ça. Ouais ouais, j'avais déjà vu quelqu'un avec d'accord, sa maison. D'accord, chacun met une petite somme et potentiellement c'est un dollar, je crois. Alors ici c'est 50 euros. C'est RTL qui nous. C'est RTL qui nous raconte ça. C'est une maison près de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques que vous pourrez peut-être devenir propriétaire pour 50 euros seulement. C'est en France ça. Ça c'est en France, ouais ouais, c'est en France. La personne s'appelle Carré. Oui, Carré et Vincent. Bah il y a Vincent Jim. Aussi. Non mais Carré. Carré. Bah c'est peut-être la meuf et pas française. Carrie. Carré. Ouais, ok, d'accord. Peut-être qu'elle elle est pas française, mais le Jim. Mec est français. Et Maria Carré, vous connaissez ou pas? Elle arrive bientôt, hein. Ils vont la dégeler, je crois. Bientôt, ça sera en août. Offrez-vous une action. Elle est déco maintenant, c'est de plus en plus tôt. Ah, oui. Ouais, non, ouais là c'est Maria Carré. Chaque année, Maria Carré est de plus en plus tôt. Ah non, mais c'est pendant Halloween. Non, ou quoi, pas du tout. L'année dernière, c'était le 22 de novembre. Et après, ce sera quand? En août. Offrez-vous une action du parfum. Quoi? Petit jeu de mots. Ça s'appelle le parfum en deux mots. Par, P-A-R-E-fin. Ça, F-A-I-M. Je déteste ça. Oh. Les jeux de mots qui ne marchent pas à l'oral. Arrêtez de faire ça. Les... Et tu sais combien il y a de personnes qui ont participé alors? Alors, j'y viens, ma bonne Nathalie. Trois, malheureusement. Et tenter de remporter les clés de cette affaire. Effectivement, à l'image d'une tombola géante, il suffit de vous inscrire sur le site du restaurant, de débourser 50 euros, puis de croiser les doigts et espérer avoir le ticket gagnant. À un mois du délibéré, plus de 1600 tickets ont déjà été vendus sur les 3000 mis en vente. Donc il reste quand même quelques-uns un peu à vendre. Encore. La somme totale, soit 150 000 euros, sera reversée à Carey et Vincent, le couple de propriétaires. Bah, oui. Pour Carey. Participer, il faut néanmoins cocher quelques critères. Tu ne peux pas juste l'avoir comme ça. Avoir plus de 18 ans, ne pas avoir de casier judiciaire. Donc Adrien, désolé, je sais que tu as. Ça dégage. Tu as brûlé quelques voitures de keuf. Et, et pas de dossier à la Banque de. Et n'est pas avoir non plus de dossier à la Banque de France si vous êtes la personne sélectionnée. Ça, c'est pour moi. Il faudra passer la formation licence 4 afin de pouvoir vendre de l'alcool. Bien sûr. Allez. Non, c'est mais ça. Après, tu peux l'acheter et le transformer en autre chose. Je pense que tu as un salon de thé. Tellement dur. Je sais pas, t'as le droit de transformer un resto en quoi que ce soit? J'ai un ami qui avait voulu. Et pourquoi pas? Laissez moi vous parler de mon ami. On a bien le droit de faire ce qu'on veut encore dans ce pays, je crois. Et bah écoute, pas tant que ça. Genre si c'est une rue, si c'est une rue où il y a plein de bars par exemple, des petits bars. Tu peux pas. Des biscuits. Il y a une limite de bars. Tu peux pas rajouter un bar. S'il y a aussi des propriétaires de maisons, tu vois, ou d'appartements, parce qu'ils peuvent dire, attendez, là, il y a. Sachant que la rue de l'App, ils se posent pas cette question. Excuse-moi. C'est ni la rue de la soif. Ils sont sous la barre du nombre de bars. Mon nom est Click. Docteur Click. Docteur Blague. Oh mais c'est le Docteur Blague. Oh je souffre un peu Docteur Blague. Est-ce que je peux vous dire à quel point je suis vieux ou pas? Dis-moi. Parce que j'avais vu le truc de la tombola au JT de 13h il y a genre un mois. Ah ouais. C'était un mardi après-midi. Voilà. Je me disais, t'as trouvé très très ta maison de campagne. Mais j'avais déjà vu un autre sujet jadis au JT 13h également. Un sur jeudi. Des gens qui avaient vendu leur maison avec une petite tombola. Mais alors, ce que vous... Vas-y. Je voulais juste dire, je voudrais faire une pétition pour que la chanson de Dr Click que tu viens de devienne le générique de Click. De Mouloud Achour et qu'il se fasse appeler Dr Click désormais. Il peut devenir le Dr Click. Alors, est-ce que vous imagineriez propriétaire d'un resto, d'un commerce? Je sais pas. Gaël, par exemple. Un hôtel? L'hôtel Mektoub? Comme Léna. J'aimerais bien. Moi, je voulais faire un food truck. Mais de quel genre de nourriture? Des pizzas, évidemment. Oh. Parce que mon papa, il avait un food truck de pizza. Et en son honneur, je voulais faire. Ah, on va pleurer. Je voulais faire aussi un food truck de pizza parce que ça serait super. Mais ce serait génial. Tu pourrais nourrir la France entière. Oui, avec des bonnes pizzas. Des bonnes pizzas. Et un bar. Et toi? Oh, moi? J'ai un coffee shop qui va ouvrir dans 2 semaines. Mais oh, quoi? Non, mais c'est pas vrai. Son nom est Coffee Shop. Du CBD? Mais pas du tout. On n'est pas à Amsterdam. Ah, c'est Coffee Shop. De quoi tu parles? Ok, jusqu'à fait, tranquille. Non, ça fait genre un an que je travaille là-dessus. Salon et là, ça se concrétise. À Paris? À Paris. Wow. Rue des Archives. Mais wow. Oui. Et ça sera un coffee shop avec une partie salon de coiffure. Mais c'est pas vrai. Eh ben, je vais pas y aller. Moi non plus, je crois. Si, j'irai boire des cafés. On pourrait très bien te masser le cuir chevelu. C'est important, le cuir. Tu m'as récupéré. Soin de barbe. Et il y aura les petits croquants noisettes Floodcast dont on a parlé au début de l'émission. Non, c'est pour ça qu'on est en train de les tester en fait. Également Zach l'artiste. Zach notre panel de consommateurs. Une noisette. Mais pas. Quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, hein, bon, t'inquiète. Mais c'est la première fois que j'en parle, dis. Bah non, bah écoute, je suis ravi que tu nous soignes. Mais parce que je vais attendre. Bon verbe, oh là là, que tu nous offres. Oui. Cette parce que même moi, je vais pas en parler tout de suite sur mes réseaux parce que j'ai besoin que mon équipe se. Voilà, ce. Ton équipe. Donc tu l'as dit sur. Tu l'as dit sur un podcast un peu confidentiel comme le podcast, du coup. Oui, j'avoue. Tu as tout le temps du week-end pour réfléchir. Parce que l'équipe a besoin de se roder, tu vois. Mais. Ah, tu as tout le week-end pour décider si tu veux qu'on le dise ou pas. Je lance des petites graines comme ça, des pépites petite... de chocolat, de cookies un peu à droite non, à gauche. Quelques personnes qui vont écouter. Quelques personnes. Toi, Adrien, c'est un truc que tu pourrais faire ? Si tu te dis, vas-y, allez, j'en ai marre d'écrire blagues, j'en ai marre de jouer dans des trucs. Moi, j'adorerais avoir un lieu et tu vois, de dire, réfléchir à l'ambiance, la déco, les activités, les trucs, etc. Mais après, tout la gestion, les trucs, ça me c'est fait chier. C'est très dur, hein, l'administratif. Ouais. Mais même sans ça, juste, moi j'ai vu Le Caplin. J'aimerais être DA du lieu, quoi. Quand mais avoir quelqu'un qui fait tout le. Mais tu sais que ça, c'est beaucoup de travail aussi. Le Caplin, quand non. il a. C'est vrai, c'est aucun travail, pardon. Quand il a lancé le Joke, moi je l'ai un peu vu de loin, qui est son comedy club. Enfin, qui est pas que le sien, mais donc il gérait un peu le truc. Enfin, ça lui a pris un temps énorme et beaucoup de travail. Et tu sais, tu dois gérer les travaux, les trucs. J'imagine que t'étais un peu là-dedans aussi, mm-hmm. Nathalie. C'est quand même un truc qui est très. J'ai pas dit que j'aimais pas travailler. J'ai dit que j'aimais pas faire du travail qui me fait chier. Non, mais c'est-à-dire que moi je croyais aussi que c'était un truc genre. Remettez des rideaux bleus et puis là-bas on mettrait une petite lumière tamisée. Non, t'es que face à des problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est oui, ça que je veux dire. Comme tout le temps dans la vie, travail. Tout travail. Là, je dis que ça ouvre dans deux semaines, mais à tout moment, il y a encore un problème de dernière minute. Une tempête, un ouragan. Un mois et demi de retard, oui. Ça fait combien de temps que tu bosses dessus ? Ben ça fait oui presque un an. Hein. Oh, c'est pas un petit truc qu'elle nous fait l'Anatoche. Ça va être très sympathique. L'Anatoche. Il y aura des petites pâtisseries ou pas ? Évidemment. Des pâtisseries véganes ou pas ? Non mais il y aura des options. Appelle ton équipe tout de suite. Et toi ? Moi, petite salle de cinéma. Elle serait comment la DA ? Je sais pas, je franchement j'ai aucune idée. Mais regarde derrière toi. C'est ça. On y est déjà. Donc. Mais une prog de gros kiffeur. Ouais, non mais même c'est quoi gérer une je sais pas un ciné club par exemple, même pas mon cinéma, mais genre tous les mois je propose un film et j'en parle un peu dans un cinéma, c'est un truc que je kifferais bien faire, ouais. Comme ils font au Latina. Ouais, exactement, mais comme ils font même, il y a plein de gens qui font ça. Je sais qu'il y a Panique Cinéma qui fait ça au Forum des Images. C'est je trouve ça chouette, quoi. C'est trop un truc de transmission. De... L'appel est lancé. On avait fait Step Brother avec Bat au Latina. Putain, c'est drôle. Nous, on l'a fait au Forum des Images, nous. On l'a fait avant, je pense. Ouais. Mais nous, c'était un énorme succès. 2004. Il y avait combien de gens, vous ? Nous, un milliard. Il y avait juste Bat et moi. vous avez regardé Step Brother. Ouais, on voit qui a fait un clip. C'est génial. C'est trop bien. Un duc espagnol a récemment voulu baptiser sa deuxième fille dans le centre historique de Séville, mais il s'est vu refuser l'enregistrement de son nom à l'état civil. Je vous demande pourquoi. Alors, il faut qu'on devine le nom de sa fille, en gros. Alors, non. C'est dur. Il y a beaucoup de possibilités, en fait. Non. C'est quelle était la spécificité de ce prénom pour qu'il soit refusé ? C'est une marque. Alors, c'est pas une marque. C'est vrai qu'à une époque, c'est un petit bizarre. On rappelle cette histoire de monsieur et madame Renault qui voulaient appeler leur fille Mégane. Et on leur avait interdit. Est-ce vrai ou est-ce une légende urbaine ? Une légende urbaine. Est-ce qu'ils voulaient tout simplement lui donner un nom satanique ? Genre Belzébuth ? Ouais, non. Tu crois t'as pas le droit d'appeler ton enfant Belzébuth ? Bah le faire baptiser en tout cas, ouais. Je pense qu'il dirait non, hein, à mon avis. Non mais on fait plus baptiser les enfants, c'est fini ça. Baptiser Gaël ? Quoi ? Quoi ? Comme tu fais tué, là. Il m'a tué. Comme là. Tu fais. Je suis Gaël Lorber. Attends. Qui est baptisé autour de la table ? Moi. Oh non, je suis la seule. Oh tiens, non, je suis la seule qui est là. Si peu de Satan s'occupe de l'enfer. La déconne, j'ai la tête. Profite bien de la vie sur Terre, je peux te dire. Parce que. Le coffee shop de l'enfer. Vous savez, c'est terrible parce qu'un jour ma mère a essayé et en fait il faut l'accord de mon père et comme il m'a abandonné, j'ai jamais pu l'avoir. Oh là là, mon père avec ses pizzas. Tu pourras mettre une musique triste. Nanana, c'est bon là. Son nom est Nat. Nat est père. Non, moi j'ai baptisé, mais j'ai pas fait la communion par contre. Ah, moi non plus. Moi on m'a demandé, j'ai hésité parce que j'avais vu une communion où le gars il avait eu une PlayStation. Et j'avais fait, attends, si on peut avoir une PlayStation à sa communion, ouais. Pas mal quand même. Moi je voulais me faire débaptiser. Ah bon ? Moi aussi, putain. Ah bon ? Oh là là. Mais c'est juste dans vos têtes, vous êtes débaptisé. Non, moi je trouvais l'acte, et voilà, il faut aller à l'église. Il y a un bureau spécial avec un ticket. Non, mais il faut aller à l'église. Je crois qu'il faut aller à l'église qui t'a baptisé, qui est à Nice, moi c'est ouais. Et comment ils font ? Ils te remettent la tête dans l'eau ? Ils t'enlèvent la flotte. Ils te sèchent avec un sèche-cheveux. On t'enlève l'eau, bébé. Il y a une shampooineuse qui aspire toute l'humidité là. J'en ai une chez moi. Ils te donnent un pin's satanique. Mais j'aurais trop voulu le faire, moi, vraiment. Mais je savais pas trop. Vous m'apprenez. vous m'apprenez. Ça a un nom d'ailleurs très spécifique. Débaptiste Lorbert, je crois. Vous m'apprenez quoi? Je savais pas du tout que ça existait. Non, moi je dis débaptiste. Ah oui, c'est l'inverse du coup. Pardon. Merci. Alors il faut adresser une demande à la paroisse où le baptême a été célébré, effectivement, ou directement au diocèse du lieu en demandant une confirmation écrite et un double de l'acte de baptême modifié. La réponse intervient généralement sous 3 semaines. La personne est ainsi rayée des actes de baptême, mais pour l'église. On reste toujours baptisé. Ah ouais. Ah bon. Donc désolé les man, vous serez baptisé à vie. Vous êtes lié à Jésus, quoi que vous fassiez. Fuck. Ça c'est vraiment typique de la religion, ça. Non, non, vous êtes toujours dans nos rangs. Faut pas faire ce qu'on veut, quoi. Dans vos gueules, la religion. Non mais c'est un nom, c'est un nom précis. Alors par contre, vous n'avez pas trouvé la réponse. Excommunicado. Ah oui. Pour le duc. Donc c'est pas une marque. Il s'agit pas de Booba, non mais voilà. C'est pas démoniaque. Un nom, elle a un nom trop perché, un prénom trop perché. Ça s'appelle l'apostasie, voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Merci. Apostasie du loft. Il voulait l'appeler Croquetta. Non. Non, alors attends. Est-ce que alors attends. Je sais pas. Comme c'est un nom espagnol. Ah, il voulait l'appeler Duffy Duc. Oh non, non pas du tout parce que c'est un duc pas français. Donc ça marcherait pas. Est-ce que le nom était une... Elle est tellement dessus. Oh. Le nom est... ça plus pas être baptisé. Oh c'est beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup de pour Natou. Le nom était une phrase. Le nom n'était pas une phrase. Le nom était attends, en référence des à. Et le nom était. Mais il faut poser des questions, Nathalie. Attends, ouais, ok, faut poser j'ai des questions. J'ai posé toutes les questions. Est-ce que c'est culinaire? Ce n'est pas culinaire. Référence à une célébrité? Pas une référence à une célébrité. Série, une vrai. Série pop télé. Culture. Pop culture, pas série télé. Punaise de lit. Harry Potter. Un politicien. Star Wars. Non, pas un politicien. Vous cherchez une référence au nom alors que c'est pas un truc de référence. Ah. Est-ce que c'est genre une onomatopée? C'est un numéro. Il voulait l'appeler. C'est un chiffre. Il voulait l'appeler. Bang bang bang bang. Mais comme Elon Musk, XW. Ah oui, non, alors pas. Non, c'est pas ça. Un acronyme. Pas un acronyme. C'est quoi le nom de famille du... Il voulait l'appeler ACAB. C'est quoi le nom de famille du. Le nom de famille. C'est le duc Fernando Fitzjames. Et ça, il n'y a pas de jeu de mots. Je peux vous le donner. Non, pas de jeu de mots. Ça s'appelle Sofia Palazuelo. Je les connais. C'est mon peuple. C'est mon peuple. Ils ont fait les amours il y a 2 ans. Alors attends, est-ce que c'était offensant? C'est pas offensant, pas du tout. Juste, ils ont estimé que ça porterait préjudice à l'enfant. Complètement. Parce et que ça n'a un peu aucun sens aussi. Ils voulaient lui donner. C'était des chiffres. Pas des chiffres. Un animal. Pas un animal, pas un mot commun. Genre urbain, ridicule. Non, non, ça n'existe pas ça. Mais alors attends. Est-ce que c'était. Est-ce une que planète. C'était même pas des lettres? Non, une planète qui n'existe pas. Non. Coruscante. Donc c'est des lettres. Une couleur, une Naboo. Une émotion. Avec une photo. Une émotion. Est-ce que c'est prononçable? Une émotion. On va t'appeler la joie. Il voulait l'appeler. Est-ce que c'est prononçable? Ah oui, ça se prononce. Je vais vous le prononcer quand on aura la réponse. Est-ce qu'il voulait l'appeler Prout? Non, pas Prout. Est-ce que c'est vulgaire ça? J'aurais voulu. C'est pas vulgaire. Merde. Bah, en même temps, c'est un duc, donc il a dû. Un astre. Non, pas un astre. J'ai une question. Est-ce qu'il a voulu faire son intéressant? Oh, bah, un milliard de fois, oui. Oui, voilà. Bien sûr. Mais. Et c'est pas. Pardon, c'est une phrase genre ma beauté. Alors, non, il a ma petite beauté. Ma petite beauté. Avec toutes vos réponses, c'est une phrase, c'est ce qu'il y a de plus proche. Ah. Donc, c'est pas. Je sais que tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est pas vraiment une phrase, mais ça se. Voilà. La réponse est moins éloignée de ça que de tout le reste que vous avez dit. Je suis ton père. Non. Est-ce que il voulait l'appeler? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah non, bien sûr que non. Là, il maîtrise tous les codes du web. Petite dinde. Ridinde? Non, il pas voulait... ridinde. Damn les gens, je il voulait l'appeler. Vous le donner, ça non, aurait... non, non, non, non. Mais un indice, ça pourrait poser problème sur la carte d'identité, par exemple. Stéphane. Non. C'est trop long. Est-ce que c'était très très long? C'était très très long. Bonne réponse, Adrien Méniel. Ah, eh oui, c'est trop long. Mais c'est trop long. Il y avait toutes les lettres de l'alphabet. Ils ont voulu appeler leur fille Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santissimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santissima Trinidad y de todos los santos. Selon les règles en vigueur, l'aristocrate et son épouse ont le choix entre un prénom composé ou deux prénoms simples. Cette tendance au nom interminable est une tradition familiale pour celui qui est un descendant direct du roi James II d'Angleterre. Le nom d'origine était pensé comme un hommage à sa grand-mère, la duchesse d'Albe, dont le véritable nom était... Maria de Rosaria de Cayetana Alfonso Victoriana Eugenia Francesca Fitzgerald. On devrait faire un groupe de beatbox. De beatbox. Ouais, un groupe de beatbox. Vous pensez remplir des zéniths avec et ça? On l'appelle beatbox et on monte notre vente sur la. Ah ouais. Comme des gros beaufs là. Bien ça. Tu viens de le faire, Adrien. Vieux quadragénaire de merde. Touche le kiki. Avec un touche humour le kiki. Nul. On regarde dans les yeux en touchant le kiki. Au secours. Tinder, vous connaissez ou pas? J'ai entendu parler, ouais. Si seul. C'est une. C'est vrai qu'on est, seuls tous les trois. Si seul. Bah, moi j'avais fait une chanson qui s'appelait Swipe. Ah oui, qui c'est parle vrai. Des applications de rencontre. C'est vrai, que t'as dansé. Car j'étais seul. Si seul. Et après, on peut être heureux seul, hein. Mais oui. Bien wow, sûr. C'est plus dur quand même. Non, non. Oh, moi je suis heureuse seule. Mais moi aussi. Mais tu es très riche aussi. Pourquoi c'est pour tu ça. Pleures en me disant. T'as des gouttes qui coulent. Lâche la table, lâche la table. Tinder lance une nouveauté qui va se déployer petit à petit dans les semaines à venir. Votre avis, c'est quoi ? Tu peux dire si t'as des punaises de lit ou pas chez oh, toi. Oh, mais t'es trop dans l'actu, toi, arrête ! Harry pas les, Potter. Des profils VIP ? Non, pas les profils VIP. C'est comme Uber Eats, t'as de la bouffe avec. Avec le plan cul ? Ouais. Ouais, non. Est-ce non. que c'est une faut nouvelle... À moi d'essai que la personne était satisfait ou remboursée ? Ah, des notes ? Pas des notes. Comme oh. Uber, quoi ? Non ? Oh, non. Ce serait, et là, ouais, ce serait une, hein, série. Série d'anticipation, ouais. À mon avis. est-ce que c'est une nouvelle information que tu peux indiquer sur ton profil? Non, pas vraiment. C'est pas un vraiment. Avantage. Alors, pas selon moi, mais c'est présenté par. C'est une nouvelle par... fonctionnalité, quoi. C'est une nouvelle fonctionnalité présentée une par. Une nouvelle façon de matcher. Mélissa Hobley, là, en charge du marketing, pour elle, c'est un avantage. Est-ce que c'est basé sur l'astrologie? Non, rien. Pouvoir localiser les gens pour les stalker? Mais non, ça c'est happen, tout simplement. Non, non, la c'est... possibilité de tuer les gens? Je sais pas, Adrien. De les cancel automatiquement de toutes les pattes? Non, je... non, non, pas du tout. Est-ce que c'est. C'est un truc qu'on fait également dans la vie lorsqu'on drague des gens ou qu'on commence des relations. Bégayer. Et baver sur soi. Se chier dessus. Est-ce la possibilité au premier date de remettre au latina, remettre une mèche de cheveux derrière l'oreille virtuellement devant... Si la personne a une mèche de cheveux sur sa photo de profil, tu peux cliquer et hop, elle se remet derrière l'oreille. C'est demander si votre père est un voleur pour savoir si voilà. Les étoiles. Les étoiles aussi. Okay. Donc c'est est-ce que attends, est-ce que c'est avant de matcher que tu peux faire ça? Des réponses automatiques. Alors, c'est pas une réponse automatique. Quelqu'un répond à ta place. Ah, alors tu t'approches. Oh, c'est pas c'est ça. Une IA. C'est une IA. Alors c'est pas une IA. Oh putain. Tu vas poser une question. Je demande c'était... est-ce que c'est une fonctionnalité qui intervient avec trois O qui intervient avant qu'on matche. C'est un coach en séduction. C'est Will Smith. Tu t'approches. Mais si dans le film vous savez. Oui oui. Un conseiller drague. Tu vous approchez mais c'est pas vraiment ça. Je rebondis sur ce que t'as dit. Est-ce que c'est c'est pas une IA. C'est pas une IA. Est-ce que c'est des recommandations toujours plus... t'es dans les IA toi. Toujours. C'est toi. Lui qui l'a dit en premier. Oui mais là tu copieur. Non mais parce que des fois Florent tu dis il c'est une IA bien, il dit non. Il dit non. Et après il fait en fait si c'était une IA. Non mais t'as dit coach. T'as dit coach sanglier, là. C'est un tu pars pardon. C'est un comment ça s'appelle ouais, là. C'est un algorithme qui te. Pas du tout. Mais c'est un petit programme. Un petit robot qui t'accompagne dans ta drague. Enlevez la tête de vos ordis en fait. Mais attends, est-ce que c'est de la... Ah oui, non, j'allais dire de la réalité augmentée, mais du coup... Mais non, t'as ta tête dans ton ordi. Bah non, déjà, dans le téléphone, vu que c'est... Oui, pardon, c'est non, mais des gadgets, c'est pas... Donc c'est pas tech, c'est pas de la tech. C'est pas de la tech. Mais non, mais il avait dit que c'était un coach. Mais c'est pas de la tech. Donc il y a une personne qui peut te recommander... T'as un vrai coach de s'approche, pas un vrai coach, mais c'est une personne qui t'aide. Ça s'appelle le matchmaker, cette application. Ah, il te propose des gens. Genre c'est non. comme un tu sais un entremetteur. Alors, c'est quelqu'un qui est déjà sorti avec la personne et qui te dit OK, tu peux y aller. Non mais est-ce que c'est pas génial. Un truc, tu sais comme les chasseurs d'appart. Je pense que la personne dira rarement grave matchmaker. Ça s'est arrêté. Tu peux y aller mon gars. Ça s'est arrêté avec moi, je te conseille d'y aller. Non, c'est pas un truc comme les chasseurs d'appart. Tu dis je cherche quelqu'un qui est la chanson de Diams jeune oui, demoiselle, tu donnes sûr. Tous tes critères. Qu'elle a plus d'ailleurs de elle dit mon mec c'est Hitch. Oui, il insiste. Et voilà. Horrible. C'est un entremetteur, t'avais raison Nathalie. Mais pensez comme dans la vie, des fois vous avez un petit amoureux. Ah, un pote, tu peux recommander, non je te mais la c'est génial. Non mais parce que des fois je suis tombée sur bon je vais pas raconter ma vie allez. Dis le nom de la personne. Ça partait bien. Ça partait non, bien. Non parce que je me disais mais cette personne ça va pas du tout avec moi. Mais je le vois bien avec un tel. Il serait géniaux. Ah mais attends mais moi j'ai déjà vu des... Ils peuvent pas se rencontrer du coup. Ah, mais ça c'est super commencé, hein. Non mais alors c'est sur une autre appli. Mais je sais qu'il y a une option recommander ce profil. Alors Tinder souhaite intégrer effectivement le célèbre friend test ou family test directement au sein de son application de rencontre. Enfin, je dis ça, je consomme pas du tout. Attends, tu vois. Sûr que non. Attends. Téléphone dans la main. Super. Pour ce faire, c'est moi. Sur Bumble, il y a un bouton recommandé. Ah ouais. Voilà. Bah, écoute, la plateforme peut faire appel à d'autres personnes inscrites ou non sur Tinder, ça c'est pas mal quand même, afin de leur permettre de voir et surtout de suggérer des rencontres potentielles selon le site Clubic. Les proches auront accès. La, j'ai rien compris. Parce que même si t'es pas abonné, c'est coup c'est pour les intéresser. Les bon, laisse tomber. Non, attends, c'est pour... non, attends. Ton téléphone se fait hacker et tu reçois une notice Tinder. Faisons une simulation. Ouais. Je vois un profil. Sors avec Stéphane. Je tombe sur un profil. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Mais c'est avec pas toi. Cette option. D'accord. C'est pas toi. bon. Ah, si, pardon. Oui, t'as raison. Les spectateurs peuvent faire appel à d'autres personnes inscrites au scénario afin de leur permettre de voir et surtout de suggérer des rencontres potentielles. Donc, c'est peut-être là une personne qui a accès au profil. Genre, il y a une personne qui te plaît. Oui. Mais tu veux pas liker tout de suite, tu veux pas aller sur la droite. Tu envoies le profil à ton ami qui regarde les photos, qui lit les trucs. C'est juste pour avoir un avis. Ah, c'est ça. Ah, je pensais que c'était pour Moi, c'était pour faire l'entremetteur. Bah oui, mais non, c'est pas aussi non, bien. Non, c'est des conseils. Ah, c'est juste, ils vont te dire. Oh, ah oui. Déception. Donc, en gros, c'est ce que tu fais avec tes amis autour en face d'une table, à face. Exactement. Mais t'as l'option. Ah, je suis déçu. Bon, c'est pas si mal. Hein. Pas si mal, pas si mal. Moi, j'aimais bien entremetteur. J'aime bien faire ça. Pas si mal. Tu vas trop bien avec toi, avec lui, avec elle. Vas-y, let's go. Ouais, mais après il faut quand même prendre les décisions soi-même dans la vie. Selon Mélissa Oblet, en charge du marketing chez Tinder, Tinder Matchmaker fait entrer votre cercle de confiance dans votre parcours amoureux. Déception. Et vous êtes. Mais oh, pardon, mais en plus pas à si chaque mal, fois, pas si mal. Quand t'as un profil, tu le montres à ta pote qui est à côté de toi. Il y a c'est pas ça. Besoin. Oui, là, toi, c'est juste pour entouré, envoyer sur le téléphone pour donner envie à tes potes de s'abonner. Mais c'est non, c'est machiavélique. Oui. C'est ça pour qu'ils installent l'application. Mais c'est ça pareil quand tu le fais en tête à tête. Je suis pas d'accord. Arrête, tu m'as dit. Arrête-toi. Ça me dégoûte. Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous laissez contre, vos amis? Je suis contre les applications de rencontre. Oui, je sais que toi, ça te dégoûte. Toi, tu dis. Moi, je t'ai déjà entendu dire. Il y a rien de mieux que l'humain. C'est un truc que tu dis souvent. Tu dis souvent ça. Pour ça que mais j'en café. En rencontre pas. Non, t'as c'est dit, une bonne planche de charcut. Une bonne planche de charcut, t'as dit. Seule mais heureuse. Hein. Toujours heureuse. Non. Non, est-ce que vous, quand vous démarrez des relations ou quand vous avez des gens qui vous plaisent, est-ce que vous demandez conseil ou avis à votre entourage? Non. Oui, c'est ça, moi non plus. Donc ça absolument pas. Ouais, Nathalie, toi tu fais ça à fond. Alors, ah, comment ça se crée? Tu vois, moi je connais pas les petites femmes, hein, donc comment tu fais toi quand mais j'en parle à ta petite femme d'ailleurs. Ma petite femme, elle est rangée des bagnoles. Oui, mais. Le twist Mais elle est de bons conseils. Elle est de bons conseils, maman. Mais oui. Enfin, quoi que. Dis le nom du mec. On peut pas. Dis les noms des mecs. C'est un ami. Non mais est-ce que vraiment petit time code, d'accord. Cut. Non mais quand il y a quelqu'un shop. Quand il y a quelqu'un qui te plaît, tu demandes conseil à tes amis. Oui. Ils sont toujours de bons conseils. Fonce. Et toi aussi, mais de conseils. Fonce, écoute. Allez, la route est dégagée. Fonce. Allez hop. Allez. Mais parce que moi je ne vois aucun nid de poule. Pas un nid de poule en vue, fonce. Oh, éteins les phares, c'est oh tout là droit là. Mets le cruise control et croise les bras. Il t'arrivera rien. Non mais parce que moi j'ai jamais demandé l'avis à qui que ce soit. C'est ça qui m'intéresse. Moi toi, non plus. Toi non plus Gaël. Non. Mais c'est pas un avis, c'est que j'en parle en mode putain j'ai rencontré quelqu'un, il est génial et tout et j'en parle et du coup t'as déjà eu des copines ou des copains qui te disent oh non n'y va pas ou des trucs comme ça. Oui j'y vais quand même hein. Oui moi aussi hein. Dis le nom du mec. On m'a souvent dit ah là non n'y va pas quand même. D'accord. Et ça marche pendant 4 ou 5 ans. T'as dit souvent. On t'a souvent dit. Ah ça m'est arrivé quelques fois. Oh la vache. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas du tout écouter. Mais c'est ça, t'écoutes pas tes amis là-dessus. Mais attendez, ils ne connaissent pas la personne en vrai. Moi je la connais cette personne. De manière intime. Mais ce qui est très vrai. Le cul. In fine. Non mais après, t'as dit, vous demandez conseil, t'as dit non. Et après tu dis, oh on m'a souvent dit d'y pas aller. Je demande pas les conseils. Mais on me les a donnés. Ah ok. C'est ça là. Je te serre la main. Pas si mal. T'as qu'à te boucher les oreilles. Pas si mal. Bon, je n'entends rien, je vais quand même y aller baiser. Mais. Alors, attendez. Après, plan cul et relation, c'est différent. C'est quand pas, même. La, non, mais c'est pas la même implication. Plan cul, on va pas demander l'avis, mais non. Non, mais moi je sais pas, j'ai l'impression que. Moi tu je demande à ChatGPT. Parce que maintenant, en plus, dans ChatGPT, on peut mettre. La relation. Avec, je pense que pour les gens qui écoutent le podcast, c'est trop bien. Il y a vraiment une évolution de relation avec ChatGPT. Mais il me répond, sors dehors. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Qu'il pleuve ou qu'il vente, va dehors. Ah mais maintenant dans ChatGPT on peut mettre une annule photo. Ton abonnement. Annule ton comment abonnement. Ça bah tu peux uploader une photo et tu lui poses des questions sur la photo. Et genre genre photo, tu, dit, le tu nez un charges peu gros, une photo de toi et tu dis comment tu me trouves. Alors justement miroir beau miroir. Non mais justement il s'interdit de faire ça. Si tu lui dis qu'est-ce que tu penses, il dit je ne suis pas programmé pour donner mon avis sur les gens. C'est génial qu'il y ait une version déverrouillée. Parce que j'ai essayé, j'ai uploadé une photo de nous deux. Ah, okay. Et je lui ai dit décris le plus précisément possible. Non mais je lui ai demandé de décrire le plus précisément. Je peux parler. Elle était bonne sa blague. Elle était bonne. Merci. Non, mais, et en fait il décrit mais c'est il n'est pas précis quoi. Il dit même pas il y a un chauve, il y a un hirsute, tu vois. Il se bride. Ouais. Oui c'est ça, il oscille. Par contre pour tout ce qui est analytique c'est flippant quoi. Genre il a dit tes yeux sont écartés de 12. Bon. Non mais je fais une parenthèse. Il y a un jeu d'ailleurs que ça pourrait être Marocco. Mais attention. Mais je la lance comme ça. C'est un site qui s'appelle Chronophoto, ça s'appelle. Okay. Et en fait le principe il est très simple, ça te montre des photos prises par des gens lambda et tu dois estimer en quelle année elle a été prise. Ça peut paraître chiant mais c'est assez marrant. Et je me suis dit tiens, et si j'essayais de fais des screens et je les montre à ChatGPT, je lui dis estime en quelle année ça a été prise. Il est extrêmement précis quoi. Ah ouais. Ouais. J'ai jamais utilisé ChatGPT de ma life. Ah ouais. J'ai mis de journée, ça je m'en sers beaucoup, j'avoue. Ah ouais. Mais maintenant Photoshop intègre de manière native l'IA et ça marche hyper bien. Vous avez pas testé encore? Non. Moins bien que Midjourney quand même. Enfin c'est pas. Ah ça en prend le chemin. Non. Là moi j'ai fait des visuels. Non. Adrien Méniel, je vais te contredire. Retourne dans ton petit bar. Dans ton petit bar. Non ça marche bien. La Photoshop is coming. Donc c'est vraiment cool. Je suis complètement pas. Enfin j'y arrive pas. J'ai essayé Midjourney, j'y ai goûté un peu. Après c'est pas. Mais il faut vraiment de l'entraînement pour être bon à Midjourney. Alors rappelons aux gens Midjourney, ce que c'est quand même au cas où. Non. C'est des. Vous dites non tous, attention. Non, pour le coup, c'est le mot bon me hyper facile. C'est ça qui est perturbant. Il y a c'est très facile. Faut le bon prompt. Pas si mal. Non, mais faut le... Slash imagine. Je connais un peu. Non, mais attention. Elle a le vocab. Elle a le vocab. Faut le dompter un peu quand même. Moi, quand j'ai essayé, j'avais un peu les mêmes images en boucle avec des petites différences, des visages dégueulasses. Mais c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, j'entends. Tu essayes, tu testes, tu expérimentes. Chat GPT, toi? Non, ChatGPT, j'ai essayé pour. J'ai fait 2-3 intros du Floodcast en mode blague. Ça donne quoi avec ChatGPT? Mais je n'en. Enfin, je suis sûr que c'est vachement bien et que voilà, mais j'en prends pas plaisir à faire ça, quoi. Enfin voilà, ça m'amuse pas plus que ça, c'est juste ça. Et quel est ton avis sur les scénaristes qui utilisent ChatGPT pour leur structure, pour leur. Non, moi je sais pas, c'est trop tôt. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un truc où à chaque fois il y a des grosses avancées, mais pour que ce soit vraiment. Que ça tombe dans le domaine du flippant, il manque toujours un genre 10%. Et j'ai l'impression que ces 10%, on les atteint jamais vraiment. Et je crois que l'homme arrive toujours à se protéger quand même de l'évolution de ce genre de truc. Je pense que des lois vont être votées pour justement que les IA... Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même difficile de se faire remplacer par des robots. Mais c'est déjà le cas aux États-Unis, tu ne peux pas déposer des journée. La grande grève des scénaristes, là, qu'ils ont... Ils ont obtenu que les IA ne peuvent pas... Pendant 4 ans, je crois, pendant 4 ans, un truc comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui... Et je pense qu'on doit se défendre de ça. Mais après... Mais c'est aussi pour le coup, il y a une phrase d'Alexandre Astier dans The Last of the Ones où j'étais assez d'accord. Il disait que ce qu'il aimait aussi dans une œuvre, c'est savoir que c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est-à-dire que ça, je suis d'accord. C'est intrinsèque à l'œuvre que tu regardes, de dire putain, il y a quelqu'un qui a pensé à ça, il y a quelqu'un qui a vécu ce truc-là. Et juste le simple fait de savoir que c'est pas fait par un humain, c'est moins intéressant. Je suis d'accord, et c'est pour ça que moi, par exemple, dans le dessin, il y a des gens qui font genre des dessins ultra réalistes, genre oh, on dirait une photo, et ça m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est de sentir que c'est quelqu'un qui l'a fait. Tout à fait. Il y a une performance de dire ouais, j'ai fait comme si c'était une photo, mais en vrai, c'est que ça, c'est qu'une performance. Ouais. L'art, c'est de. Que tu sentes l'empreinte de la personne derrière, quoi. Son œil, son vécu, son passé, c'est ça que je trouve fascinant. ChatGPT, c'est bon. Et on a pas peur de toi, ChatGPT. J'aime les écouter parler. Non mais après, sur le truc de. Je suis d'accord avec vous. Après aussi, sur le truc de les gens qui utilisent ChatGPT pour la structure des scénarios. Après, tous les auteurs utilisent les mêmes trois structures pour les bouquins. Bien sûr. Pas si mal. C'est parce qu'il utilise tous les jours sur son scénario. Non, mais moi, j'ai vu un gars sur TikTok qui a fait un film, je sais plus de combien, je crois que c'est 15 ou 20 minutes, entièrement avec des prompts. C'est quoi des prompts, excusez-moi? Des mots-clés. Il décrit, il a fabriqué un film. Pascal avec sa formulation. C'est ça que je cherchais. En mettant des petits mots, une description, monde futuriste avec des robots qui prennent le contrôle, et il a fait vraiment un film entier, quoi. C'est très marrant, il l'avait. Et ça rend bien. Une merde. C'est pas excuse-moi. Une merde innommable. Non, j'ai regardé 5-6 minutes. Non mais attends. Et j'ai trouvé ça quand même un peu flippant, mais à la fois. Fou. Mais c'est de l'IA qui génère de la vidéo ou c'est ouais, de... film. Parce que pour l'instant, les IA qui gèrent la vidéo, c'est vraiment nul. Mais je crois que lui, il a cumulé plusieurs trucs. C'est un spécialiste des IA, il conseille plein de sites différents. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est assez bluffant. Il y a toujours des petits trucs. évidemment. Oui, oui, oui. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup de débats qui disent, ok, dans combien de temps il y aura un long métrage généré par l'IA. Je bien, pense que ça va arriver très de vite. De notre vivant, on le verra en tout cas. Ça, oui. C'est sûr. Et vous de saviez que les IA maintenant, elles arrivent à reproduire des voix à l'identique. C'est bluffant. L'autre jour, j'ai vu Angèle qui chantait Sayan. C'était fou. Vous l'avez vu? Vous l'avez entendu ça? Ah, oui. Tu veux savoir à quel point je suis un ringard? Je ne connaissais pas la chanson Sayan. Je connais pas. Je non plus, ouais. Non, mais avant la reprise, moi non plus. Hein. Ah ouais, bah, voilà, donc après, on est tous nuls. D'un certain âge autour de cette table. Non, pas toi, Romain. Natou, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Oh, mais t'es un ballon de basket. J'ai du bidou. Si seul. Et j'ai vu une vidéo à mourir de rire. C'est Johnny qui chante la chanson de Mask. Je suis Sancho le Cubain, vraiment avec la voix de Johnny. J'ai chialé de rire. Non, mais ça va. Ouais, enfin, je préfère Cantlou. Rappelons la théorie du Floodcast. Oui, c'est pas une IA quand non, non, mais rappelons, il le fait lui-même. On a une théorie la dans preuve que c'est pas une IA, c'est que c'est mal fait. On sent l'artiste derrière. Là, on sent bien les fainéants. Toutes les faiblesses, on les sent bien. Une équipe de scientifiques japonais vient de mettre au point, grâce à une IA. Alors là, on est dedans. Mais c'est pas possible. Un traducteur. Mais un traducteur pour comprendre. Mais pour les animaux, pour les chiens, bien sûr. Pas pour les chiens. Les chats. Non. Les animaux, les oiseaux. Les dauphins. Ah non. Non. Les oiseaux. Alors, on se rapproche. C'est des animaux. Oui. Ah, presque des oiseaux, des chauves-souris. Non, non, non, c'est un oiseau. Des pigeons. Ah. Un oiseau. Pas des pigeons. Les cigognes. Oh, faites-les tous. Oh, un rossignol. Le colibri. Non, pas le colibri. Non, c'est un oiseau. Les petites mésanges. Les pingouins. Les pingouins. Non, pas une mésange. Pas un rouge-gorge. J'imagine un oiseau qu'on trouve. Il dit qu'il s'appelle Pito. Un oiseau qu'on trouve au Japon, j'imagine. Non, non, non, on la trouve en France aussi. Un toucan, il y en a partout. J'ai pas dit exclusivement un au Japon. Un perroquet qui parle déjà. Un corbeau. Je sais pas si on en trouve peut-être au Japon. Un corbeau. Un corbeau. Mais c'est pas un oiseau japonais, enfin on le relie pas au Japon. J'ai pas dit endémique, une espèce endémique du Japon, il me semble. Oui, mais je sais pas si on la trouve au Japon. Mais c'est ça tu chiales, tu vas chialer. Non. Attends, elle fait quoi, l'IA? Une mouette. Elle traduit. Non, pas une mouette. Pas un goé, non. Elle traduit un perroquet qui parle français, elle le traduit en anglais. Non, pas du tout. Un ménat. Attendez. Il faut le dire à chaque fois avec une petite voix, À chaque fois qu'on propose un. Là, je l'ai fait à la Jérôme, finalement, la mouette. Oui, mais une mouette. Oui, mais Ménat, tu l'as dit normal. Il faut pardon. Faut dire un manchot. Un manchot. Une hirondelle. Un pingouin. je l'ai déjà dit. Merde. Non, c'est un petit oiseau. Oh, un aigle. Est-ce que c'est un petit oiseau? Une autruche. Un petit. C'est bien ce jeu. Oui, j'adore. Attends, continuons. Un petit moineau. Mais attends, pourquoi j'ai une impression de déjà vu? J'ai l'impression qu'on a déjà dit des noms d'oiseaux. Parce qu'on est dans Matrix. Non, on avait fait ça avec Mélodie Collange sur des noms de poissons. Mais c'est ça, putain, c'est fou. Eh ouais, je me souviens des podcasts, les gens qui disent qu'on se répète. Oui, ouais, ça fait c'est du recyclage. Et qui nous chient dessus dès qu'ils en ont l'occasion. Un martin pêcheur. Rouge-gorge. J'ai déjà dit tout à l'heure. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. C'est gros merde. J'adore ce jeu. C'est un petit oiseau qui peut tenir dans la main. Putain, non, il tient pas dans la main. Il est grand, il est très grand. C'est un gros. Il peut être gros, mais c'est. Un grand. Un aigle royal. Non, vous avez juste rajouté royal à aigle. Faux con. Tout con. Une buse. Une buse. Une buse. Ah, on peut faire avec les accents aussi. Bon. Alors, on se rapproche de la vie avec un porc. On se rapproche. C'est. Flamme rose. Une pentade. Ah putain. Dinde. Vous êtes proche. Pentade, dinde, on se rapproche. Ah putain. Un faisan. Une poule, tout simplement. Oh ouais, ça. Poule. Une poule sur un mur. Poule. Poule. Une poule. C'est la réponse, c'est une poule. Si c'est votre premier épisode du Floodcast, bienvenue. Pardon. Si vous êtes un attaché de presse qui dit attends, il paraît que c'est pas mal d'envoyer des acteurs pour dans ce cas, fais voir. Ça va lancer ta carrière. C'est les IA qui ont fait les noms d'oiseaux, c'est pas nous. Non. Oui, c'est des IA, bien sûr. Je chiale de rire, perso. C'est génial. Ce procédé utilise des algorithmes mathématiques complexes permettant de comprendre les. Comme quoi, on sera jamais remplacé par des IA. Quelle IA pensera à prendre une petite voix pour faire des noms d'oiseaux? Aucune. Par contre, si elle prenait cette décision, elle le ferait extrêmement bien. Ce chercheur pense qu'en sachant ce que les animaux ressentent, croissante, les humains pourront mieux en prendre soin. Bon, là, on parle des poules, donc c'est surtout les buter pour les manger, mais ils ont procédé à l'analyse d'un échantillon de 80 poules et de 200 heures d'enregistrement sonore. Je suis encore sur l'attaché de presse. Attendez. On a dit peut-être qu'on a envoyé Louis Garrel dans ce cas, c'est bon. Une poule, une poule. Bon, allez, non, stop. C'est bon, tu peux. C'est bon, on va, ouais, il va aller chez France Inter. Comme tout le monde, il va aller sur le canapé de Léna. Ce sera beaucoup mieux chez ces deux connards. Chaque signal sonore détecté correspond à un état émotionnel de l'animal. Ensuite, les scientifiques ont téléchargé dans l'IA de nouveaux cris de poule. On a rien à foutre. On veut rejouer au jeu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On veut rejouer au jeu avec les accents et les voix bizarres. Non, mais bon. Caca toi. Un toto. Un cacahuètes. Je viens de le dire. Mais j'ai même pas compris, c'est tellement particulier. À l'instant, il a dit. Pardon, mais pardon. Plus, c'était il y a 22 secondes. T'as dit cacahuètes et cacatoès. Oh là là, j'ai même pas compris ce que t'as dit. Cacahuètes. Il a dit cacatoès. Tu l'as dit juste après avec une faute en prenant plus ou moins la même voix. C'est le meilleur jeu. Pardon. Faut qu'on commercialise ce jeu-là. Voilà, il est là le jeu. C'est juste, t'as des cartes. Ouais. Tire une carte, il y a un nom d'oiseau dessus, tu dois le dire avec une voix. Avec une voix étrange. Bon, bref, en tout cas, ça permet de connaître les différents états émotionnels de la poule. La peur, la colère, la peur, le contentement, l'excitation et la détresse. Oui, voilà. D'accord. Oh. Cette recherche pourrait être utilisée pour améliorer les méthodes d'élevage des poules actuelles. Elle permet de mieux suivre le bien-être des animaux, pour révolutionner la médecine vétérinaire et soutenir les autres études. Alors, pardon, pourquoi les poules spécifiquement? Alors justement, parce que tu as dit tout à l'heure, mais pourquoi pas les chiens, les chats? Et ben parce qu'en fait, ça existe déjà. Non, c'est plus complexe à comprendre. C'est vrai. C'est-à-dire que la possibilité de l'adapter aux émotions. Le chat remue la queue, par exemple. Moi, j'ai vu un sujet sur le chat. C'est en cours. Ah ouais? Ouais. C'était dans le JT de quel? Je l'ai vu. Non, non, j'ai pas vu. Non, c'est vrai. Ils analysent justement pour pouvoir parler chat. Quand ils vont run, il est content. Ouais, ça je vous le dis. Il le fait bien. Mais en fait, dans le piano. En fait, c'est une façon de communiquer plus complexe. Et donc, un bengal. Un perchon. Non. S'il vous plaît, on y retourne. Maine Coon. Si à moi. Allez. Il a tellement saturé ce si à moi, je l'aime plus. Je te préviens, si tu recites un animal, ça peut repartir. Mais non, je crois que ça va. Il y a beaucoup de gens autour de la table qui possèdent ou ont possédé un animal de compagnie. Est-ce que vous pensez qu'il vous comprend? C'est la question que je vous pose. Toi, t'as un chien, par exemple, Adrien. Oui. Est-ce que t'as la sensation que quand tu lui parles, il y a des trucs qui captent pas? Est-ce que t'as déjà été témoin d'un petit truc? Les chiens, ils peuvent analyser, comprendre quand même pas mal de mots. Hein. C'est proche de la centaine, je crois. Moi, je suis là où elle me bluffe, Lola, ma petite chienne. Non. C'est quand elle a pas vu quelqu'un depuis 2 ans et qu'elle arrive à reconnaître de loin à 50 mètres et elle fait la fête. Genre, c'est arrivé avec la maman d'un de mes ex que j'ai recroisé 2 ans après. Quand et là, elle l'a oui, reconnue. Ils ont une mémoire de fou. Elle l'a reconnue, elle lui a fait une fête, mais comme si elle lui manquait vraiment. Mais c'est trop, moi, chez le chien de Nathalie, chez Lola, là où j'ai vu un comportement le plus humain que j'ai vu de ma vie, et pourtant j'ai bossé à l'SPA, je me rappelle. C'est vrai. J'ai vu un comportement très humain de chien qui t'a eu un gros changement dans ta vie, et ça a eu un gros changement chez le chien, et c'était ultra impressionnant. C'est-à-dire que c'était un chien très craintif, pas de c'est vrai au début. Qui est devenu câlin. Elle est plus comme ça. Franchement, et c'est comme mon ex m'a quitté. Mais c'est ça. Du jour au lendemain, elle a changé, elle est quoi. Affectueuse avec les chiens. Oh là là. C'était trop. Parce que bizarre, mais dans le bon sens du terme, enfin, c'était assez impressionnant. Mais quoi. C'est comme si ça foutait un sale mood. Hein. Ouais. comme si elle sentait que c'était comme si elle était pas bien. Ouais, c'est ça. Parce que la dernière fois que je l'ai vue, je crois que c'était la dernière fois que t'es venue au Floodcast. Ouais. Et elle était encore craintive. Avant, en fait, quand c'était essayé de la toucher, elle était prête à s'exploser contre un mur pour fuir ta main. Je me rappelle. Ouais, mais c'est vrai qu'elle était un peu. Là, ça va mieux. Pas mal. Toi, Gaël, t'as déjà vu des comportements. T'avais Stéphane. Bah, Stéphane, c'était vraiment. Enfin, il est toujours vivant d'ailleurs. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Il y a 3 semaines à Nice. Il était toujours là. Et c'est le toutou. C'est un mignon petit toutou. c'est le chien le plus gentil que j'ai eu de ma life. Après, je l'ai vraiment eu très petit. Ouais. Et j'ai pu vraiment prendre. J'avais du temps pour l'éduquer, pour être là. Et surtout, je l'ai fait garder très rapidement par différents dog-sitters et autres potes qui se battaient pour pouvoir garder Stéphane. Je suis a failli ne pas te le rendre. C'est vrai. Elle adorait ce chien. Et surtout, il prenait plein de chaussures, il les mettait sur les lits et il se frottait le nez dedans, c'était trop mignon. Mais non, tout ça pour dire que grâce à ça, il a jamais eu ce truc exclusif. Donc il a jamais été triste quand j'étais pas là. Ouais. Et surtout, fou d'amour pour n'importe quel humain. instantanément. Francky, elle est comme ça aussi. Ouais. C'est trop cool. Et ouais. Mais sinon, pour répondre à ta question, parce que là, j'ai un petit peu. J'ai un ouais, petit mais peu attends, c'est le podcast. C'est, non, non, si. On a dit des noms d'animaux pendant 25 minutes. Tout va bien. Tu peux ne pas centrer. Berger belge, non. non, il est. tu vois qu'ils comprennent et c'est trop mignon. Quand il y a ouais. des trucs. Moi, c'est la douche. En fait, quand je lui disais la douche, ouais. ça le terrorisait. Ah, ah ouais, pareil, elle déteste. Ça le terrorisait. Ah, ouais. Et dès qu'il commençait à faire le con sur un truc, je fais Stéphane, la douche. C'est vraiment, il se mettait au sol en manipulation. Ben non, parce que c'était quand même. C'était pas la punition de ouf. T'as quoi, un peu de violence. Tu t'assurais qu'il déteste la douche jusqu'à maintenant. Mais non, parce que je. En plus, je t'enlevais une menace. Je l'ai jamais trop maté avec une douche. Juste, il fallait le laver quand il était rempli de caca et de merde. Ce qui lui arrivait régulièrement. Tous les jours à peu près. Et j'étais obligé de le laver. Et je me suis rendu compte qu'il n'aimait pas ça. Et vous qui avez des chiens, vous êtes déjà renseigné sur pourquoi ils font ça? T'es étonné quand tu leur parles? Parce que c'est vraiment genre ils comprennent pas, tu sais, des fois ils font un petit truc de ouais, la tête comme ça. Ah bah ça oui. C'est parce qu'ils comprennent pas? J'ai jamais non, su ce je crois pas, mais je pense qu'ils sont je sais pas. C'est vraiment un truc de manifestation d'une sorte de curiosité genre attends. Je connais pas ce mot. C'est bien sûr. Ouais, c'est bien ce que c'est bien ce que je crois avoir entendu. Et quand je lui dis on va manger des croquettes, elle fait attends, tu rigoles ou quoi? Attends, je suis tapis. Moi le truc que j'avais déjà dit, mais c'était je suis toujours épaté qu'elle comprenne non. Parce que c'est plus qu'un ordre, un truc, c'est un concept en fait, la négation. Et donc du coup, par exemple, quand il y a quelqu'un qui sonne à la porte et elle croit que par exemple c'est mon ex qui vient pour la récupérer, et je lui dis non, et elle comprend, ah bah non, donc, c'est pas elle. Mais aussi, quand elle fait un truc qu'elle veut pas que je fasse, je lui dis non, elle comprend. Ouais. Le non, c'est ouf. Ouais. Quand enfin tu vois, il y a un truc, je suis toujours épaté qu'elle comprenne ça quoi, comme un truc genre ah bah il faut pas que je fasse ce que je suis en train de faire. Enfin c'est un truc, c'est plus conceptuel que croquette. Elle comprend parce qu'elle l'associe à un truc tangible quoi. Francky le zèbre, hein, rappelons-le. Francky le zèbre, bien sûr. Zèbre. J'aime trop les vidéos des chiens qui se font gauler en train de faire une bêtise. Ah oui, oui, et qui n'osent pas regarder dans les yeux. Ouais. Le side eyes. Là, j'ai vu un TikTok où le chien est en train de bouffer, vous savez, les sacs de 300 tonnes. Dans la cabane de jardin, là. Oui. Et il recrache les croquettes. Ouais. Oh, oui, c'est tellement drôle. Mais en plus, il les recrache pas vraiment, il ouvre la bouche et elle tombe. Il fait. Dodo, il fait comme ça, il fait. Tu vois bien quoi, je les recrache. C'est tellement drôle. Voilà. Alors, bon, c'est pas d'animal, c'est un bébé, mais Joanne, la dernière fois, elle a fait ça. C'est la même chose, hein. Elle a 2 ans à peu près. Elle aimait pas le goût d'un truc, elle commence à cracher, je fais non, Joanne, tu craches pas. Et donc, elle a laissé la bouche ouverte comme ça, et donc, elle a pas voulu cracher, elle a juste laissé glisser. Techniquement, tout c'est la gravité. C'est petit, la gravité, c'est tout pas moi. Petit bout de viande qui a glissé comme un toboggan sur sa langue pour s'écraser au sol. Alors, savez-vous, les signes non-verbaux, les chiens sont capables de comprendre un certain nombre de mots selon l'étude, 65 à 300 mots. À 300 mots. 300 mots. C'est ouf. Je suis moi-même pas sûr de connaître 300 mots. Stéphane, bravo, il en connaissait 4. Moi, je connais déjà le mot 1 jusqu'à 300. Non, mais c'est beaucoup, 300 quand même. Nous sommes en novembre. Vous connaissez le fameux Movember, bien sûr. C'est la spooky season pour moi. Créé pour sensibiliser les hommes au cancer de la prostate en laissant pousser la moustache et en rasant la barbe. Eh bien, un autre challenge, est apparu, le NNN. Là. Votre avis, à quoi ça consiste? Le NNN, NNN. C'est November No Nut. Ah, le No Nut November. Alors, tu sais ce que c'est? Bah oui. Alors, ne le dis pas. Est-ce que nos deux invités. Sait vraiment ce que c'est. Bah oui, c'est. De pas se tripoter la nouille. Oui. Oh, très bonne réponse. Tu connaissais aussi? Oui, ouais. C'est pour ça que je me fais la moustache toute l'année. Parce que, au moins, je sais qu'il y a un des challenges que je ferai. Lancé en 2000, mais moi je connaissais pas. Putain, lancé en 2017 sur le forum Reddit et relayé mais sur oui. les réseaux sociaux. Le défi reprend du service tous les mois de novembre selon les règles, qui n'ont évidemment rien d'officiel, hein, évidemment. Il consiste à se retenir d'éjaculer pendant un mois. Plus précisément, à s'empêcher de se masturber ou d'avoir un rapport sexuel avec ça une sent le éjaculation. Truc d'incel, ça sent le truc d'incel un peu. De, ah oui, tu sais pas. Je sais pas. Là, ils disent le but c'est de questionner l'omniprésence du porno. Donc, ça déjà, bro. Tu peux te branler sans porno déjà. Et plus largement du sexe sur internet. Si aucune étude. Non, mais tu vois, c'est comme la moustache avec la prostate. Ils ont trouvé oui, une excuse. Non, mais branlez-vous. En si fait. Aucune étude ne montre la nocivité mais... d'une telle. Alors, et c'est là que c'est intéressant. Branlez-vous. Aucune étude montre que, voilà, il y a besoin ou pas de faire ça. Les avis des professionnels divergent quant à l'intérêt de ce mouvement. Divergent. Ah bah oh, oui. Ça fait beau. Mais, ça fait 20 couilles. Énorme. Ça fait beaucoup là, non? Ainsi, le docteur Chris Donagu, sexologue à Los Angeles, avait confié sa désapprobation dans le Huffington Post et avec cette phrase que je vous cite, je vous le dis, éjaculer et éjaculer autant que possible. Bah, selon lui, la masturbation s'accompagne de nombreux bienfaits pour la santé. Elle permet entre autres la de prostate. Renforcer les muscles pelviens, d'améliorer les fonctions érectiles et cardiaques et de réduire les risques de cancer de la prostate. Effectivement. Eh oui. Mais à donc côté, c'est l'inverse. Les mauvais de... côtés du coup, c'est complètement l'inverse. Non, mais face à lui, il y a le docteur Jamin Brambat, urologue en Floride, qui dit que lui, se retenir d'éjaculer relève, d'un exercice de contrôle de l'esprit. Cela permet de concentrer davantage son énergie sur des tâches quotidiennes ou sur des buts existentiels. Je me permets. Il est urologue et il dit oui, c'est pour renforcer l'esprit. C'est pas ton domaine, mon gars. L'esprit, c'est t'es psychologue, non, non. Ferme ta gueule. Voilà. Bah écoute, en tout cas, il y a un Français dans tout ça qui a 20 il a mis minutes. Les points sur les zizi. Oh, let's go. Alors... Non mais tu concentres ton énergie sur des tâches du quotidien pendant la journée et le soir tu te branles. Ouais, voilà. Et alors la question que je me posais, eh bien sachez que Patrick Consensi, urologue et andrologue à Paris. Patrick Consensus. T'es con. C'était nul cette blague. Mais j'ai pris du plaisir là. Il avait expliqué à 20 minutes que pour lui c'est comme une période de jeûne, un peu, tu vois, une période de repos pour cet organe. Et lorsqu'il reprend ensuite, et ça c'est ce que je me posais comme question, il m'a répondu. L'éjaculation ne sera que plus puissante. Oui, bah évidemment. Il y a pas besoin d'être urologue, oui. Quand t'as pas baisé, oui, bah oui. Bah je sais pas. Ça explose. Ah ouais, vraiment, c'est une corde sensible. Le mec qui se branle tous les jours, quoi. Quoi ? Peut-être je baisse tous les jours, mon pote. Non. Bien sûr que non. Et alors, qu'est-ce que vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez le DDD ? Le DDC ? C'est quoi ? Don't drug December. On le fait avec des voix rigolotes encore. Doberman. S'il vous plaît. Le DDC. Non, c'est December. Alors ah, c'est DDC. Non, c'est pas December, mais enfin si pardon d'ailleurs. Si le DDD. Oui, pardon, en anglais, c'est le DDD, excusez-moi, je suis con. C'est le DDD challenge. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est le DDC. Donc c'est le DDD. December don't. Non, c'est le 2 de décembre. Exactement. C'est ça ? Est-ce que c'est Don't le premier ? Non. Est-ce qu'il y a Dick dedans ? Oui. Bon. Ça tourne toujours même. Il y en a que pour les gens qui ont des pénis ou quoi ? Ouais. Bien joué. Les kiki. Don't. Ah, je croyais que tu voulais me disoper. Ouais, j'ai voulu l'aider même. Je vais prendre un Don't coca. Don't drink dick, ne buvez pas des bites. Non. Et d'ailleurs, ça on peut lire à tous les jeunes qui nous écoutent, ne buvez pas des bites. Et en décembre. Prenez pas la voiture après en tout cas. En décembre, ne buvez pas des bites. Dick, est-ce que dick c'est le deuxième mot? Ouais, dick. C'est dick December. Don't do dick. C'est donc un verbe qui commence par D. Dance. Non. Ah, c'est en rapport avec ce que je viens de dire. Hein. Docteur Dick, enfin un truc. Mon nom est Dick. Docteur Dick. Non, mais est-ce que c'est un truc pour prendre soin de son, aller voir de son kiki, se faire palper, diagnostic, tu vois, non, un truc comme non, ça. C'est plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse. Arrêter de montrer son kiki. Non. Plutôt l'inverse, prendre soin. Destroy Dick. Quoi? Très bonne réponse. Ah, c'est après le no-nut, tu baisses comme un taré. Le c'est ça Destroy Dick December Challenge. Le but de ce défi, si vous l'acceptez. Non mais c'est une. C'est non mais de, si vous l'acceptez, c'est se masturber un max. Se masturber tout le mois de décembre autant de fois par jour que la date du jour. Non mais là ça y est là. Tu vois. Donc no le 1er décembre. Déjà mon note c'était incel. Là le DDD. Le 1er décembre. Bon bah voilà, tu te branles une fois, mais le 2 décembre. Mais le 31 fois, mon gars. Et le 31. Mais n'importe 31 quoi. 31 fois. Jour de l'an devant tes potes. Super. Pendant le compte à rebours. Devant Arthur. Mais non, stop. En seul. Excusez-moi, mais en juin, il y a. Si seul. En juin, il y a un délire comme ça aussi avec les. Comment ? Avec les pétards. Ah bon ? Le 4-21 là. Non, c'est le en juin, c'est ça ? Non, c'est le 4-21, c'est le 21. Non, c'est pas 4-21 du tout, c'est. Non, c'est Blackjack. Tu fumes des joints comme ça. Pareil. Ah, et le nombre de jours voilà, par. Voilà, 1er juin. Hein, non, mais c'est n'importe quoi. T'as calmé un peu ta voix comme si on disait des petits trucs illégaux. Des petits trucs un petit peu illégaux. Je vends du shit. Est-ce qu'on peut vivre ? Alors, on peut en parler. T'as lancé une grande campagne pour vendre du shit, Gaël, sur internet. Tout à fait. Avec Francis McDougall. Non, en l'occurrence. On peut le dire, tu lances une campagne dont on va parler. C'est l'instant promo ? C'est l'instant promo, tout simplement, Gaël. On fait un jingle ? Ok. C'est l'instant promo ! L'instant promo ! C'est trop fort. Oui, c'est vrai. je lance ma campagne Ulule, la première de ma vie. Bulldog J'avais français. Un petit peu peur. Stéphane. J'avais un petit peu peur, mais c'est chouette, c'est très motivant. C'est avec le personnage Francis McDouglas, dont je vous avais parlé au dernier. Mais bien sûr ! Rappelons aux gens quand même, parce que c'est du RP GTA. C'est du GTA RP sur 21 Jump Click, et j'embrasse au passage Alex Click, Draconi et Monody qui m'ont invité sur le serveur. Et c'est un personnage qui est né sur un jeu vidéo, donc en GTA RP. Vu qu'ils faisaient des chansons, j'ai commencé à mettre des chansons sur Spotify. Vu que j'ai mis des chansons sur Spotify, j'ai commencé à faire des concerts. Oh là là. J'ai fait deux concerts test cet été, c'était vraiment marrant. Ouais, je suis déguisé en Francis avec une perruque ridicule. Et là, je me suis dit, vas-y, vu qu'il y a plusieurs chansons, je vais faire un album. et je vais faire une campagne Ulule. Et je l'ai lancé hier soir. Voilà. Oh enfin, il y a quelques jours pour vous qui écoutez le podcast, mais bon, ça vient de commencer. Et donc, c'est sur Ulule, avant c'est quoi hier. C'est sur un mois, c'est ça, un truc c'est comme ça. C'est Ulule et c'est 35 jours. 35 jours, c'est et ça. Et je suis trop content parce que juste de l'avoir lancé hier soir, donc il y a quelques jours pour ceux qui écoutent, bisous, c'est parti bien. Donc, ouais, je suis, j'avais un petit peu le stress parce que je l'avais jamais fait. Oui, et puis c'est vrai que c'est un concept voilà. plus surprenant, disons. Enfin, c'est un truc qui est moins connu. C'est voilà, ça. C'est ça, il y a un truc de perso, de truc. Mais et du coup, on peut commencer, on peut écouter les premières chansons que t'as composées, j'imagine. Tout à fait. Il y a la rave, il y a la queue leu-leu. en fait, j'aime bien présenter Francis comme un grand écart musical, à savoir des morceaux techno rave un peu pointus et des trucs vraiment super débiles. Très bien. Et ça me permet en fait de. C'est un peu de... les deux mamelles qui t'ont toujours nourri, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Tu, voilà. tu Après, me, grand tu écart, me la rave, c'est pas non plus le summum de l'intellectuel. Tu vois. Lui met pas non, mais c'était, c'était pour mettre des différences entre styles musicaux. Non, c'est juste, je suis très content parce que ça. J'ai raté. Ça seul. Permet pas de... si mal. Seul. Si seul. Même autour de la table. Et ça permet c'est en fait de. Le monde. Je suis très content sur ce projet parce que comment dire. Ça regroupe tout ce que j'aimais faire, à savoir de la musique, des blagues, des vidéos et de la scène. Bah ouais. Et des jeux vidéo. Oui. Donc c'est vraiment le projet chouchou. Et ça part d'un gros délire. Et regardez ça où ça t'emmène. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait. C'est toujours bien. Et c'est un peu comme nous au final. C'est un peu ça aussi. Mais c'est ça. Non, c'est pas, voilà. pas trop de rapport en vrai. Non, mais on a commencé dans un petit truc. Un délire. Et bien sûr. Et quoi? Et l'Olympia. Voilà. Non. Un oh Dell. Voilà. Un Dell et l'Olympia. Bientôt Francis McDouglas à l'Olympia. Au Stade de France. Mais en tout cas, c'est cool. Ça part d'un délire. Et ça. Et ça. Et voilà. Et ça mange. Et je suis très content d'être ici pour en parler avec vous. Bah non, mais voilà. Écoute, tu vous pouvez aller sur l'Instagram de Gaël, j'imagine le lien, il doit être quelque part en bio, quelque chose, t'as pas fait ça? T'as pas fait ça? C'est Gaël, la tête qui... Gaël, non, non. Tu l'as pas fait? Je suis en train de dormir là. J'ai fait mon job, j'ai jamais fait autant de promos. C'est en promo fini. Oui, oui, il y a tous les liens sur Instagram, sur Twitch, sur partout. Génial. Et je t'enverrai évidemment. Et chante un bout là. Allez, fais-nous rire. Eh bien, une Italienne, Nathalie. Une Italienne de 75 ans a obtenu gain de cause sur deux hommes de 40 et 42 ans. Une décision rare, surprenante et qui n'est pas sans nous rappeler une comédie française bien célèbre. À votre avis, qu'a-t-elle obtenu? Elle a demandé qu'est-ce qu'elle avait fait au bon Dieu. Tu l'avais préparé? Non, bah non. T'étais bien. Comment tu veux que je l'ai préparé? Tu peux nous le refaire l'intitulé? Bien sûr, une Italienne de 75 ans a obtenu gain de cause sur deux hommes de 40 et 42 ans. Une décision rare, surprenante, mais qui n'est pas sans nous rappeler une comédie française très célèbre. A votre avis, qu'a-t-elle obtenu? Elle a demandé si elle était bienvenue chez les ch'tis. Tu peux le faire avec une voix un peu étrange? Elle a demandé si elle était bienvenue chez ch'tis. Elle a demandé si elle était intouchable. Ah oh, oui. Elle a demandé si elle était bronzée. C'était quoi? Les bronzés. Elle a demandé si la vadrouille était grande. Putain, j'allais elle le faire. Elle a demandé si on l'avait retrouvé la 7ème compagnie. Bon, allez. C'est reparti là, non? Alors, non, suffit. Écoutez, elle a demandé si Top Gun. Il y a Louis Garrel qui va encore pas venir, arrêtez, non, non. Là, elle a demandé, attends, elle a demandé si Top Gun, il a dit putain, c'est vrai que personne n'avait entendu. Fais chier. L'attaché de presse qui a fait, non, non, mais attends, je vais aller plus loin dans l'émission quand même, on sait jamais. Là, c'était un mauvais passage. Allô, Louis? Non, tu t'iras pas. Laisse tomber. Salut Louis Garrel qui écoute le podcast d'ailleurs. Oui, on salue Louis Garrel. Pourquoi on dit Louis Garrel? C'est parce que, alors, je sais pas s'il écoute encore, hein. Oui. C'est vrai que j'en avais pas. Cet épisode, c'est sûr que non, mais je l'ai croisé au parc avec ma fille. Et alors, moi, j'étais voilà, il y a Louis Garrel, mais je me dis, je vais pas être un gros relou. Et alors, hasard de vie de fou. Hasard de dingue. Il y a nos deux enfants respectifs qui jouaient ensemble dans le parc. Et il me regarde, il fait Florent Bernard, toi. Donc, très impressionné que Louis Garrel connaisse mon nom. Et classe. Il m'a dit ton pote, c'est Adrien Méniel. Je fais, bon, qu'est-ce qui se passe? Il me semble qu'il avait dit. Il a dit qu'il était très marrant. Ouais, c'est ça qu'il avait dit, je crois. Très marrant. Un pote qui est très marrant, il a dit. Et là, et en gros, il connaît le Floodcast. Si, donc Louis Garrel connaît le Floodcast. Bah, on peut lui faire un bisou, peut-être. Mais je sais pas s'il écoute encore. Bah, alors, on peut quand même lui faire un bisou. On peut lui faire un bisou. On peut quand même lui faire un bisou. C'est pas le no bisou November, je crois. Non, je crois pas, non. Bah, alors faisons un plan. Bisou Louis Garrel, non? Louis Garrel. Et pour la petite anecdote, quand même, il y avait Louis Garrel qui était accompagné de Chris Rock et de l'artiste JR. Et donc, du coup, j'ai croisé ces trois personnes. Et donc, Chris Rock? Oui, c'est ça qui est. J'ai vu la photo. Il y a une photo qui existe de moi, ma fille, Louis Garrel, JR et Chris Rock. Et du coup, c'était complètement dingue. Et ça, c'est. Ça, vous croyez que c'est showbiz? C'est en allant au parc. Ouais, ouais. Paris, c'est un village, en fait. La visière de la casquette de Chris Rock était très très pliée. Très très combée. On dirait une photo générée par une IA. Oh non, mais c'est mid-journée. C'est la vraie vie, c'est la vraie vie. La vraie vie, vos IA en fait, elles me font bien rire. La vraie vie, il n'y a rien qui la remplace. On sent l'artiste. En tout cas, l'Italienne de 75 ans, qu'est-ce qu'elle a obtenu de ces deux personnes de 40 et 42 ans? Non. Comme le célèbre comédie française Pizza Man. Elle a obtenu un bad buzz? Non. Non, non, il continue, il est reparti sur les films. Un babysitting? Non, pas un grand blanc avec des gendarmes, non, une chèvre, une chèvre. Elle a récupéré non, des petits mouchoirs. C'est une comédie des années 2000. Allez, avec. Donc. Et c'est devenu une expression. Fais pas ton quelque chose. Ah, Tanguy. Bah, elle a dit à ses enfants de sortir de, qui partent de chez elle. Très bonne réponse. Oh. Voilà, parce que moi je fais les blagues, mais après, bam, Zidane. Crâneur. Crâne d'œuf. Crâneur. Oh non. Crâneur contre crâneur. Comment? Crâne d'œuf contre crâne d'œuf. C'est la prochaine comédie que je vais faire. C'est faux, je n'en fais aucune. Le juge qui est. J'ai encore raté un casting hier. J'ai mais eu la réponse. T'as joué dans plein de trucs là. Mais oui, je te plains. Arrête de te plaindre. T'es le comédien là. Le stand-up français. Va, il fait des films d'action, il fait des trucs là. Ouais. Arrête de te plaindre. Ouais. Foiré, bah. Quoi? Gaël, t'es en train d'insulter. Je suis en train de. T'es foudrage en fait. Foiré, bah. Une situation poussée à bout par ses deux enfants. La maman qui est installée à 1h de Milan dénonce le comportement de ses fils qui, malgré leur situation professionnelle stable, ne contribuent pas aux dépenses du ménage et à aucune activité domestique. Ah oui, et bah oui. C'est plus qu'un Tanguy. Après l'obtention de leur diplôme, les deux frères ont eu du mal à trouver un emploi stable. C'est pour ça que leur mère les a d'abord soutenus. Et après, ils ont commencé à s'en sortir et ils ont quand même continué à vivre chez elle. La tribunal de Palvi a par la suite soutenu la décision de la mère en soulignant si le maintien au domicile pouvait au début sembler fondé. L'obligation d'entretien incombant aux parents n'apparaît plus justifiable aujourd'hui, vu que ces deux garçons ont plus de 40 ans. Tout simplement. Pauvre c'est dame. C'est Step Brother ou quoi? Pauvre dame. Vous avez quitté le domicile familial à quel âge vous? Non, mais à quel âge vous êtes parti de la famille pour tenter la grande vie, j'ai l'impression? À 20 ans. 20 ans? Ouais. T'es parti quoi? Assez jeune. J'ai pris mon petit baluchon et je suis allé en école de police. Ah oui, c'est ça, t'as eu, c'est vrai. Et tu vivais où à ce moment-là? Ben, dans le 77, à Torcy. Ah oui, Torcy, oh. Le B2. Ouais. Vers le B2 de Torcy, bien sûr, je connais bien. Et donc, du coup, études de police, et derrière Internet. Oui, tout c'est à fait. C'est ça, d'accord, ouais. Magnifique. Et t'avais ton propre appartement ou parce que, donc, il vivait à Torcy, ta mère vivait à Torcy, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, elle a rencontré Alain via un site de rencontre pour seniors. Une belle histoire. La pantoufle. C'est vrai. C'est le nom du site. Ouais, ouais. La pantoufle. Une pantoufle à son pied. Pantoufle. Cendrillon. Il y en a toujours à votre pointure. Elle a un beau chat de pantoufle. J'ai l'image. Oui, du coup, elle est partie vivre avec Alain et elle m'a laissé l'appart. Ah, t'as gardé l'appart, ouais. D'accord. Et joli. Je lui verse un petit loyer. Ah oui, bah, bien sûr. Ouais, normal. Mais pas mal. Toi, Gaël? Moi, c'était sur les 22-23. Ah, vous êtes quand même resté quelques années quand même. Emménagé chez une chérie de l'époque, chez ma chérie de l'époque, et après revenu quand même chez maman. Ah oui. Parce que c'est quand même cool et pratique. Gros bébé, ouais, bon gros bébé. Et après, j'ai 24-25, je suis reparti. C'est ça. Voilà. Pour venir à Paris. Oui, ouais. C'est ça, parce que toi, tu es du sud. Tout à fait, de Nice. Et par tous les chemins, tu y reviens, bien sûr. On va s'écouter Chimène Badi. Adrien. Moi, je crois que c'était 24-25, moi. Gros bébé. Ah ouais, Gros bébé, ouais. Mais toi, pareil, c'est je comme. Je suis pas revenu après. Bah, c'est comme Nathalie, tu fais de. T'es de. L'école de police, oui. Bien sûr. Le raid. Le raid, moi. Les films d'action. Non, mais je t'ai vu dans le film, là. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'on a deux héros d'action, parce que toi, t'es dans AK. Oui, alors. Ah, mais ouais, c'est vrai. Elle est dans AK, et toi, t'es dans Anti-Gang 2. Mais les deux se avec Alban Lenoir autour de cette table, j'ai l'impression. Ah bon? Attends. Bah toi tu te fais laminer la gueule par Alban. C'est moi c'est mon coéquipier. Ah, oui. Toi c'est ton coéquipier. Oui, c'est vrai. C'était bien. Si on faisait le Alban Lenoir multiverse, ce qui va arriver hein, vu les vues qu'il fait sur les plateformes, peut-être vous allez vous battre tous les deux. Et peut-être ça, parce que je suis un méchant et c'est une. Bah c'est ça. Ça parle de l'univers étendu. De Alban Lenoir. Rassure-toi mon personnage ne réapparaîtra plus jamais. Bah si, dans le film, dans Nous les Leroy, tu reprends ce perso. C'est vrai. Tu te bats contre Charlotte Gainsbourg. Ça m'a, Krav Maga contre Charlotte Gainsbourg. Avec l'accent serbe. Très bizarre cette scène d'ailleurs. Et toi? Comment? Et toi? Moi je partais à 18 ans. Oh là là. Tu sais, il l'a gardé pour la fin pour dire bah moi je suis plus mature que vous. J'ai quitté ma campagne tout simplement. Non mais c'est parce que j'étais au fin fond de la campagne et moi mes parents ont divorcé pendant que je passais le bac. Enfin c'était la dernière année, c'était un peu compliqué. Ça va les larmes là. Non mais c'est pour dire que ça a été une vraie motive. Je suis orphelin, j'en fais pas des caisses. T'en parles jamais. Je suis orphelin, oui. Bah alors écoutez, moi il y a les deux. Mais ils ont divorcé à 18 ans. Et du coup je pense que ça a été le coup de boost pour faut que je me casse, faut que je fasse ma life. Bah donc, oui, du coup je suis arrivé à côté de chez toi au final Nathalie. Puisque moi j'étais à Montévrain en Seine-et-Marne. Incroyable. Donc pas très loin de Torcy. Et donc voilà. On a dû fréquenter la même salle de cinéma. Peut-être au B2, bien sûr. Oui. Tout simplement au B2. B2O. Avatar avec une coupure pub au milieu. Ah, j'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Parce que moi, j'allais au Gaumont Disney Village. Ouais, 3 heures. Comme le film était long, il y avait une pause pipi vraiment. C'est bien, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien, moi.

Il s'agit du bataille. Mon plat préf, ma médaille. Je regarde. Moi je vais tout casser. Si vous le mangez avec moi, une fourchette, c'est pas dur les baguettes. Putain, le bataille. Je comprends pourquoi tout le monde t'appelle en tant qu'auteur. Y'a pas de secret, y'a pas de secret. Y'a une plume, hein. Y'a une plume, y'a un truc. ChatGPT pourrait pas faire ça. Ah non, non. Oh, on a qui viennent. Non, on sent l'auteur. Bon, c'est la fin de ce jeu. Oh, je suis 5 chansons. J'ai mis 1h30 à peu près pour toutes les écrire. On va quand même passer aux recommandations culturelles. Oui, bien sûr. Les rocos. Oui. Adrien, est-ce que tu as une recommandation culturelle ou je peux passer à Gaël Un petit instant. Alors. Je peux passer à Gaël si tu veux. Tu peux passer à Gaël. Passe un atout d'abord. Alors je peux passer à Gaël. Ça me rappelle mes recommandations. On peut peut-être dire des. La dernière série que j'ai Bing watché. T'as tout regardé d'un coup. Avec ma mère, c'était pas prévu. Elle est restée dormir chez moi. En parlant de Bing. Et on a. RIP, bah oui. Le petit oh qu'elle a fait. Qu'est-ce que t'as binge watché? Eh bien, The Lost Flowers of Alice Hart. Eh ben, je ne connais pas. De quoi ça parle ? Dis quelque chose. C'est avec Sigourney Weaver. J'arrive jamais à dire. Je l'adore. C'est mon actrice préférée. Et c'est compliqué. C'est dur quand même. C'est très très dur parce que ça parle de violence domestique, donc sur enfants et sur femmes. Trigger warning. Au tout début, oui, très très très dur, vraiment. Ouais. Et en fait, ça parle. Je peux pas trop spoiler, mais il y a beaucoup de secrets de famille. Okay. Et donc la petite fille. Je peux rien spoiler. Bon écoute, Nathalie Merz. Je peux rien dire. C'est du thriller. La petite fille est récupérée par Sigourney. Parce qu'elle, en fait, gère une espèce de communauté de femmes qui ont toutes subi soit des violences, soit des choses affreuses dans leur vie. Et c'est un cercle d'une maison remplie de femmes. Elle les protège. Mais derrière tout ça, il y a des terribles secrets. Oui, c'est ça. Donc c'est un thriller un peu quand même. Oui, et après, en fait, il y a une première partie avec les 4 premiers épisodes qui se passent quand la petite est enfant. Et ensuite, tu la vois 15 ans plus tard, un peu jeune femme. Okay. Et tu vois ce qu'elle est devenue. Et ce qui se passe, et tout se passe en Australie, donc c'est magnifique, les paysages sont sublimes. Trop bien. Et, vraiment, et c'est dispo sur quoi, tu sais? C'est Prime Vidéo. Prime Vidéo, Prime, ouais. Okay, super. Et sinon, tout à l'heure en venant, je suis passée devant un kiosque journaux et il y avait une affiche du magazine Philosophie, et le titre c'est « La vie a-t-elle un sens ?» Et du coup, je me suis dit que ça valait la peine de débourser 6,90€ pour avoir une réponse à cette question. Et tu viendras la semaine prochaine nous dire la réponse. Je vous en parlerai, je vous dirai si oui ou non, la vie a un sens. On intéresse tous, on aimerait savoir. Voilà. Très bien Nathalie. Gaël Mektoub. Bah tiens. Qu'est-ce que j'ai comme recommandation? Moi, c'est un film que j'ai vu il y a peu. C'était une amie, une pote qui s'appelle Linou. Et c'est un film qui s'appelle Host. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film d'horreur. Coréen, non? Non, ça c'est, non, The, ça, Host. C'est The Host. Allez, ciao tout le monde. J'allais le dire, t'inquiète pas. The Host, qui était un film incroyable, d'ailleurs, super film coréen, film magnifique. Pour moi, c'est copié le titre en tout cas. Et là, il y a comme un pattern. Et Host, c'est vraiment trop bien parce que ça fait flipper sa race. Et en fait, j'avais vu un TikTok où des scientifiques, des médecins se sont amusés à mettre des capteurs cardiaques sur des gens. Et ils les ont fait regarder des films. Et figurez-vous que Host est arrivé premier. Alors c'est non, là où il y a eu le plus de. Il est arrivé deuxième, mon bon gars. Ah, le premier vidéo, c'était le premier. Non, c'est Sinister le premier, dis-toi. Avec Ethan Hawke qui avait vu ce film. Très bien. Mais bon, c'est quand même très flippant. Deuxième, pas loin. Deux, c'est pas mal. Tu l'as vu ou pas, Host? Oh, j'ai pas vu Host. Ok. J'ai pas vu. Non, non. Et je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez flipper, on est encore un peu dans la période d'Halloween, machin. Oh, spooky. Et c'est trop cool parce que, sans trop spoiler, c'est un call Zoom. Tout se passe sur les ordi, les écrans de Zoom, c'est trop bien. Dès que l'écran est porté, c'est juste le gars, il y a que des meufs pour le coup. La meuf prend son ordi et bouge un petit peu dans le noir pour voir ce qui s'est passé et tout. Donc ça se passe autour de 5 ou 6 meufs qui font une séance de spiritisme à travers Zoom. Non mais ça c'est le pitch. Genre. Ah, oui, et ouais. En fait, c'est trop bien parce que ça relance un petit peu le principe du found footage. Mais, parce que sûr. Là tout est en direct et franchement ça vaut le coup, c'est hyper bien réalisé et surtout ça fait vraiment flipper, j'ai vraiment eu peur, j'ai eu un moment, ça faisait tout, je me suis dit putain. Et alors que t'étais seul. J'étais seul, si très seul. Heureusement pas à la campagne parce que j'aurais eu peur. Donc ça, allez-y, c'est hyper bon bien, argument, vraiment. Ça dure 1h06. C'est hyper bon sympa. Argument pour voir. Tu flippes vraiment pendant une heure mais à fond et c'est vraiment trop moi, cool. Je flipperais pas, je tandis pense. Que ma série c'est 7h. Et oui. On a tout regardé en 2 jours avec ma mère. On était accro. Et j'ai deux petits TikTok. Je t'en prie. Je fais vite. C'est des comptes TikTok que j'aime beaucoup. C'est un producteur qui s'appelle Bauer. B-A-A-U-E-R. Je le suis sur Twitch et sur TikTok. Ouais. Tu vois ce qu'il fait. Ouais. Et c'est donc, tu aimes. Ouais. Et en fait, c'est celui qui avait fait, comment s'appelait, le morceau trap qui a été hyper la mode. Il y avait un challenge. C'était le morceau de Bauer. Parce que là, c'est le Harlem Shake là que tu. Harlem Shake. Ok, d'accord. C'est lui qui avait fait le Harlem Shake. Oh là là, c'est lui. Et en fait, son TikTok est trop bien parce qu'il fait ça sur Twitch et après il met des bouts sur TikTok. En fait, il prend des tubes, que ce soit Prodigy par exemple ou des morceaux de rap, et il analyse le truc, il va chercher l'origine des samples et tout. Donc c'est hyper intéressant que ce soit un producteur de musique qui le fasse. Il le fait hyper bien. C'est vraiment hyper bien décortiqué et tout. Donc, attends, let's go. Le Harlem Shake, c'était pas l'autre gars, le mec qui fait Glimpse of Us là? Tu le confonds, mec qui... non, mais le tu mec confonds qui... pas avec le mannequin challenge. Peut-être que je me trompe. Ah, c'est peut-être lui qui a fait la. Je sais pas. Attends, on va voir. On va vérifier. Le NoFap challenge. C'est quoi le NoFap? Parce que si j'ai dit des bêtises, après on va me tuer. Non, c'est peut-être lui qui a fait la musique. Ah oui, c'est en fait le. D'accord, ok, c'est bon. Donc allez voir le TikTok et le compte Twitch de Bower. Parce que c'est hyper intéressant quand on aime la musique et surtout quand on a envie de savoir d'où viennent les samples. Il y a certains morceaux, justement le morceau de Prodigy. Il y a genre 10 samples hyper connus, dont un sample de Rage. Et moi, je ne savais pas au début, ah oui. au début du morceau. Rage Against the Machine. Bien sûr. Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, allez-y, c'est vraiment chouette. Et un sample de Click. Docteur Click. La pizza, la pizza. Ah bah alors, je vais me permettre, tu vois, de passer avant toi, Adrien, parce que ça rebondit un peu sur ce que tu disais. Moi, j'écoute le podcast qu'on avait déjà recommandé dans le podcast, mais qui s'appelle Conan O'Brien Needs a Friend. Conan O'Brien, qui est un animateur de Late Show à la base, mais qui est aussi un auteur très connu. Il a travaillé dans Les Simpsons, il a travaillé au Saturday Night Live, il a eu plein de Late Show. C'est un mec très drôle. Il a donc ce podcast où il reçoit un invité, et c'est des invités aussi divers et variés que des acteurs, des chanteurs et tout. Est-ce que tu vas recommander l'épisode avec l'auteur de Norm Macdonald et tout ou pas du tout, okay, mais c'était un très bon épisode aussi. Ouais. Parce que c'est filmé, me semble-t-il. Parce que moi, je crois avoir des bouts sur TikTok. T'as des extraits sur YouTube et sur TikTok, l'émission entière est en podcast. Okay. Et effectivement, il a reçu. Ce qui est chouette, c'est qu'il reçoit des fois. Enfin, c'est des gens connus, mais l'auteur de Norm Macdonald, par exemple, c'est un ancien du SNL. Donc, il donne des anecdotes d'un autre point de vue. Mais là, récemment. Il a fait un podcast pour les 30 ans de In Utero, de Nirvana, très bon album de Nirvana. Et il a reçu Dave Grohl, donc le batteur, Chris Novoselnik, j'arrive plus à le lire, le bassiste, le producteur dont j'ai oublié le nom, mais le producteur de l'album en fait. Et ils reviennent sur toute la conception ensemble. Non, qui avait le groupe. N'essaye pas. Zach l'artiste. Ah si, c'était Zach l'artiste. Non, mais je connais tellement. Budge Vig. Oui, je crois que c'est ça. C'est Budge Vig. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est lui. Donc il parle de ça. Et ce qui est génial avec Conan O'Brien, c'est que c'est jamais des interviews chiantes. C'est-à-dire qu'il fait des vannes, il rebondit bien. Et c'est un mec. C'est toujours cette phrase, mais c'est un mec passionné, donc passionnant en fait, Conan O'Brien. Et tu sens que. Il a fait 10-20 ans de Late Show, je pense, peut-être même plus. Et donc là, un podcast, tu vois le gars qui a une nouvelle liberté et qui pose vraiment des questions qui l'intéressent lui. C'est assez cru en plus. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et puis surtout les questions, tu vois. Ça parle très librement de Kurt Cobain, de ses addictions. Et puis j'aime bien parce que c'est ce que j'aime beaucoup avec le podcast en général, mais c'est que ça désacralise à fond. L'artistique, et là pour le coup l'album c'est trop marrant. Ils te disent en fait ce qui s'est passé, c'est que t'as Kurt Cobain qui venait d'écouter un album des Smashing Pumpkins et des Pixies. Il a dit ok, faut faire ça pour In Utero, c'est tout. Tu vois. Ciao. Et après ils ont fait 3 jours en studio, ils ont fait l'album, les compos en 3 jours, enfin. Mais en même temps t'as plein d'anecdotes super marrantes et aussi des trucs un peu plus passionnants sur les addictions de Kurt Cobain, comment ça a impacté le groupe. Dave Grohl, il raconte qu'il se faisait grave chier sur cet album parce qu'il a enregistré ses parties très très vite. Bref, c'est super intéressant. Si en plus vous aimez Nirvana, c'est d'autant plus intéressant. Mais je pense vraiment que même si juste la composition de l'album vous intéresse, je pense que c'est un podcast super intéressant. Et en règle générale, ce qui est bien, c'est que si vous avez jamais écouté Conan O'Brien Needs a Friend, il a forcément interviewé quelqu'un que vous aimez bien, puisque ça va de Liam Neeson à Jeff Goldblum, en passant par Bill Burr. Enfin voilà, il y a vraiment plein de gens différents. Là, le dernier, c'est Werner Herzog. Il a eu Schwarzenegger il y a 2 semaines aussi. Ah bah, il est partout, Schwarzenegger. Il a sorti son bouquin de développement personnel. Et puis c'est super cool parce que vu qu'il a fait 30 ans de Late Show, des fois ils se parlent d'anecdotes qu'ils ont déjà vécues il y a 30 ans ensemble. Bref, super podcast si vous parlez un peu anglais évidemment. Et sinon, le jeu Spider-Man 2 est vachement bien, mais ça j'imagine que vous l'avez. Tu m'as convaincu sur le podcast parce que je voyais juste les extraits TikTok dont je me délectais. Ouais. Et là, je pense que je vais me lancer dans l'écoute. Moi, je dis souvent que j'ai quand même pas un anglais de ouf. Genre, je le comprends, mais je le parle pas très bien. Et je trouve que là, ils ont une face. Enfin, je comprends tout ce qu'ils disent, quoi. Tu vois, je suis pas dans un truc où je fais. Ouais, je suis complètement largué. Ils articulent bien. Ouais, c'est ça, exactement. You know, c'est cool. Ils articulent beaucoup. Sympa. Donc voilà, Adrien Méniel. Alors, moi, c'est une chaîne YouTube. La chaîne s'appelle David Hilowitz Music. H-I-L-O-W-I-T-Z. Et c'est un mec qui, je crois, est ingénieur de base, mais qui est passionné de musique. Et du coup, c'est très différent à chaque fois. C'est toujours très, très bien fait, ces vidéos très simples et tout, avec une voix très calme, très posée. Et il a une approche assez expérimentale de la musique. Ça va être soit il trouve un instrument, une guitare dans, dans un vide-grenier à moitié pété. Il se dit, bah, est-ce que je peux la rénover? Ou alors il dit, ah mais un pick-up de guitare électrique, ça marche avec un aimant. Du coup, est-ce que je peux faire de la musique avec des aimants et en faire un sample qui vaut le coup, etc. Enfin, c'est toujours un peu très expérimental et intéressant pour qui aime la musique ou faire de la musique, surtout faire de la musique en vrai. Et par exemple, des fois, il essaye de sampler des trucs et après, il met à disposition le sample parce que, comme il est un ingénieur, il a codé, lui, un plugin, un sampler qui s'appelle Decent Sampler, D-E-C-E-N-T, sampler. Et donc, du coup, il met à disposition gratuitement les samples qu'on peut utiliser après dans ses compositions, tout ça. Donc, c'est assez intéressant et cool. Et c'est généralement pas trop long et chouette. Et chouette. Et sinon, c'est un truc que j'ai dans ma liste de recos depuis longtemps, mais je me dis... pourquoi pas aujourd'hui le recommander. C'est une extension, un add-on pour... alors moi, c'est pour Chrome, mais j'imagine que ça existe pour d'autres navigateurs. Ça s'appelle Snowflake. Et en fait, c'est juste... on installe l'extension. Elle tourne tout le temps en tâche de fond sans déranger personne. Et en fait, ce que ça permet, c'est s'il y a des gens qui sont, par exemple, dans des pays dont les gouvernements mettent des restrictions sur les connexions internet et empêchent d'aller voir tel ou tel site, et ben s'ils utilisent un navigateur dédié comme Tor, etc., ils peuvent se connecter de façon ultra sécurisée à ton ordi et utiliser ton ordi pour contourner les restrictions. Donc c'est juste que bah voilà, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des ordinateurs relais qui tournent, et du coup ça permet très facilement de rendre ton ordi ordinateur relais pour des gens qui sont dans des pays où il y a des restrictions, ouais. Et donc ça ralentit pas l'ordi. Enfin, moi je stream avec le truc qui tourne, ça change rien du tout, juste ça permet à des gens qui subissent la censure de la contourner s'ils veulent. Petite passerelle, voilà. Super, voilà. Intéressant. Donc voilà, carrément, truc de faut juste espérer que ce truc se fasse jamais hacker. Sinon, je suis foutu. C'est terminé pour Ménélite. Des photos de mes gougouttes. C'est ma zézette. Ah oui, je prends beaucoup de photos de mes propres gougouttes. Les gougouttes. Oui. Oh, les gougouttes de Ménélite. Les gougouttes. Bon, écoutez, merci beaucoup. Bouffe les bières noires. J'ai oublié de dire un truc hyper important. Bah, je t'en prie. À propos de ma campagne Ulule, j'ai décidé de reverser 3% de la somme globale récoltée à la SPA. Oh, ça me semble important de le dire. Bah écoute, oui, mais voilà. Bien sûr. Pour quel genre d'animaux, par exemple? Galari. Bon, on fait un dernier tour. Ménate. On fait un petit tour, dernier tour de table. Donc, effectivement, Gaël, la campagne Francis McDouglas, toujours sur Ulule. C'est ça, c'est Ulule ou qu'est-ce que j'ai oublié? C'est Ulule, tout c'est à Ulule. Fait. Je t'enverrai très la campagne. Bien. Et j'en profite pour faire une dédicace à des gens qui écoutent le Floodcast et qui sont méga fans de vous, à savoir Salty, mon modo de Discord, et toute la Sboob Team. Je les embrasse. Oh, oh, trop ils bien. Sont très merci, fans de vous. Merci, merci. Il y a eu un truc un peu marrant. Vous j'ai croisé quelqu'un avec une casquette Floodcast dans la rue. Donc, je fais un petit sourire. Aucune réponse. Parce que voilà, je me suis dit là, casquette Floodcast, c'est des vrais. Salut, de vrais, les gars. Tu vois. Rien. J'ai une question. T'as à te poser. Cracher à la gueule. Florent, est-ce que des fois tu vois quelqu'un au loin avec une casquette noire et tu vois qu'il y a une écriture blanche et tu te dis attends, c'est pas une casquette Floodcast? Ça m'est arrivé. Tu t'approches, pas du tout. Bien c'est sûr que non, c'est une casquette des Spurs ou un truc comme ça. Ça, okay, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Mais je dois dire que c'est très marrant parce que hier. Et je me sens ridicule à chaque fois. Que j'arrive et que je fais. Oh, mais quel ego de merde de croire que t'es la seule casquette noire et blanche qui existe. Pauvre con, tu mérites d'être seul. Voilà. C'est ce que je me dis en substance. Non, mais j'ai croisé seul. Quelqu'un très marrant hier parce que ce qui est drôle, je pense que vous avez ça aussi autour de la table, quand quelqu'un vous reconnaît, entre guillemets. Tu sens qu'il bouge un peu sur. Il ose pas tout de suite, tu sens qu'il tourne autour. Et moi, il y a quelqu'un qui a fait le truc le plus bizarre, mais en même temps, c'était trop mignon. Qui s'est baissé vers moi, qui a chuchoté. J'avais ma fille sur mes épaules, donc je pense que c'est pour ça que la personne a hésité. Il fait vive Floodcast! Et j'étais genre, ah, oh, c'est mignon parce que. Non, vraiment, dis à toi. Je sentais que ça, elle était en train de bouillir à oh, l'intérieur. C'est trop mignon. Vive le cast, bon, voilà. Alors, moi, c'est un truc pour, qui rejoint un peu le thème de l'émission. Il y a quelqu'un qui est venu me parler. Il a dit, ah, machin, rien, là. Voilà. Et il m'a dit, ouais, j'ai croisé d'autres gens. Bon, j'ai pas osé les déranger parce qu'ils étaient accompagnés, mais bon, toi, comme t'es seul. ouais, t'as bien fait. En plus, j'étais avec Francky, j'étais pas seul. Je peux vous raconter un truc? Non. Ah, vas-y. Excuse-moi, pas si mal. C'était le moment le plus marrant de fan. Enfin, pas trop fan pour le coup. Laisse-nous en juger. C'est une meuf en soirée, c'était au Wanderlust, qui vient me voir, qui hésite un petit peu, qui regarde comme ça. Elle vient pas. Elle avait l'air un peu arrachée. Elle s'approche de moi, elle fait Bagelstein. Pas mal. Il y a plein de trucs qui sont mélangés. J'ai hurlé de rire. Un peu sûr d'elle. Voilà. Bagelstein. C'est ça. Bagelstein. T'es grand pas mini de Bagelstein. Beaucoup d'infos qui sont télescopées. C'était hilarant. Ah là là. Nathalie, oui. Toi toujours sur le web, entre guillemets. Oui. Bien sûr, j'ai vu que si tout se passe vidéos. Bien ce mois-ci, je sors un espèce de vlog documentaire sur la plongée en apnée en profondeur. Oh, super intéressant. C'est une expérience que j'ai pu ne retenez effectuer. Pas votre souffle. Oh, arrête. T'as fait ça où? J'ai fait ça à Nice. Est-ce parce que c'était avec Pierre? Six pas. Non, j'étais avec Arthur Guérin-Bouhiri qui est quintuple oui, champion du monde. Oui, il y avait Pierre, bien non, sûr. Non, parce que j'ai un pote qui est champion du monde sur, plus sur Monaco, Pierre Frolla. Okay, et qui est un multi champion et qui ouais d'apnée. Dis donc, il doit couler comme une pierre. Et non, et souvent il fait des cours là-bas entre Nice et Monaco. Couler comme une pierre. Ça aurait été un hasard incroyable. Bien sûr. Mais t'as le club du CIPA là-bas, le club international de la plongée en apnée. Et toi, il s'appelle comment? Et t'as fait genre un record d'apnée, genre. Enfin, pour toi, je veux dire, t'as. Pour moi, je suis descendu à plus de 20 mètres. Hein. Oh là là. T'arrives à décompresser? T'arrives à décompresser? Oui, mais après il y a eu un mini souci, mais faudra le voir. Oh là là, laisse-nous du suspense. Est-ce que t'as vu du corail? Je suis incollable. J'ai vu des algues. Oh ouais, c'était génial, en tout cas, j'ai adoré. Trop bien. Génial. Que ça sorte. Génial. Et peut-être un petit voilà, un salon de café, thé, coiffure. Oui, c'est ça, un petit coffee shop, salon de coiffure. Sympa. Mais j'en ai déjà trop dit. Oh, je suis bon, bah voilà, Adrien Méniel. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, faut se rendre. Eh bien. J'ai vu que t'avais repris Twitch un petit peu. J'ai repris Twitch un petit peu. Ah, voilà. De temps raid. En temps. Voilà. Mais on oui. va laisser un petit audio. Tu demandais une ah oui, tu m'as fait un raid. Mais oui. Mais bah oui. Oh là. Bah, envoyé un petit audio. Tu joues à un jeu de Cinoche oui. et tu m'as dit bah qu'il oui, faut la vie. Bah oui, j'ai joué à Un jour un film. J'adore ce jeu. Malheureusement, j'y joue régulièrement seul dans mon lit. Et j'adore ce jeu. En fait, il faudrait que tu viennes jouer avec moi sur la chaîne Twitch. Moi, j'aimerais bien aussi. Tu refuserais? Non, j'adorerais. Déjà, les gens. T'as pas envie? Ah, moi j'adorais. Non, mais je plaisante, c'était pour dire. Mais que je veux, bah, du coup. Moi, bah, venez tous, en venez fait. Tous les trois, voilà. Avec voilà. grand plaisir. Vous êtes les bienvenus pour faire t'es. Des apparitions. Avec grand plaisir, mais je chanterai du balavoine. Le rendez-vous est lancé. Du pot au feu. On dit le rendez-vous est. Est pris. Est pris, voilà. Merci. Donc Twitch, ouais. Twitch, un petit peu, voilà, quand j'ai le temps et l'énergie et que je me sens désespérément. Entre deux films, c'est ça. Ben, c'est ça. Entre deux longs métrages, oh, un petit peu de Twitch. Vous exagérez, j'ai dû faire 3-4 tournages en un an. C'est très peu. Arrive, ouais. Très très peu, heureusement que j'ai d'autres métiers et sources de revenus. Non, Twitch, la bonne auberge qui a repris deux fois oui. par mois. Ça, c'est donc t'es toujours sur Twitch. Et puis, bah, vous voyez, Antigang la relève sur Disney+. Ton salon de thé, salon de thé, stand-up, et pardon, en terrasse sur Prime Video, et également Killer Coaster. Voilà, regardez ça à fond. Ah, c'est sympa, ça, j'ai regardé. C'est vrai, ouais, il faut streamer. Il faut streamer fort pour qu'il y ait une saison 2. Pour donner de la force. Évidemment. Voilà, et puis pour donner des rôles à Adrien, sans vouloir trop en dire, je serai dans la saison 2. Parfait. Et bien, quant à moi, 27 décembre, Vermine. Là, on a appris récemment qu'on avait reçu le Méliès d'argent à Amsterdam. Donc, c'est trop cool. Tellement de prix. Non, mais ça fait plaisir. Et ouais, et bien, vous avez le Méniel d'or. Oh, merci, Adrien. Après, je dis ça, vous m'avez pas invité au Projo, mais. Ouais. Il y avait une avant-première le 31 octobre pour Halloween au MK2 et j'ai reçu des super messages sur mon Insta pour les gens qui l'ont vu et ça fait plaisir donc voilà, c'est le 27 décembre au cinéma dans les salles obscures, hein, comme on les appelle. Quel meilleur endroit pour regarder un film d'horreur. Oh là là. Et choper des punaises de lit. Mais non. Ça va, je rigole. Elles seront mangées par les araignées. Ta gueule, Gaël. Ta gueule. Mais c'est exagéré, cette histoire. Ouais, ouais, c'est exagéré, j'en ai eu. Mais moi, dépasser ma pensée, je crois. J'en ai eu deux fois. Je présente mes excuses. La semaine dernière. Ah oui, ah bon. C'est vrai. C'est... Oui, oui, j'en ai encore là. Ah, a... Non, c'est faux, j'invente. Oh là là, il nous a voulu dans la fête. Imbécile heureux. J'ai eu vraiment très, très peur. Et seul. Oh. Maintenant, avec les punaises. Non, t'en as eu vraiment ou pas? Non, jamais. Si, une fois. Il y a 3 ans. Ah bon? Ça va. Dans un hôtel à Paris. Ouais, véridique. Ah, oh, et t'as eu genre les gars de Breaking Bad qui sont venus là, les gars avec les costumes ou pas du tout? Non, changement de chambre reclassé et stress pendant 3 semaines d'en ramener chez moi. Et t'as mis des trucs au congélo ou pas? Ah oui, non, oui. T'en mais as non, pas ramené. C'était dans une chambre d'hôtel, il en avait ramené. Ah, j'ai vu que t'en avais ramené, pardon. Mais non, gros stress les semaines qui ont suivi. Est-ce qu'on en a ramené? Est-ce qu'on en a pas ramené? Donc oui, congélo, sèche-linge, la totale. Et finalement, on a eu de la chatte. Putain, pfff, magnifique. Mais j'ai appris que j'avais des petites bestioles qui étaient friands de punaises de lit dans ma maison de campagne. Donc je pense qu'elles auraient pas fait long feu. Des chlamydia. Des rats. C'est ce qu'on appelle des papillomavirus. Ah, oui, bah, exactement. Bien c'est vu. C'est ça. Bon, merci. T'es jeté au monde. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. C'était ciao. Super. Salut. Des bisous. Des bisous. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.